Comment tu vas, mon cher? Ça va bien, mon frère. Tu es à l'aise? Oui, ça va. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Comment va la Côte d'Ivoire? Oh. Comme si, comme ça. Oh. Comme si, comme ça. Frère, va bien, parce que tu vas poser des questions. Mais frère, restez ici. Laisse pas le frère. On laisse le frère. C'est chaud aujourd'hui. C'est chaud aujourd'hui. Comment va la Côte d'Ivoire, mon cher? Ça va. Nous sommes contents d'être en Côte d'Ivoire avec vous. Et j'espère que vous êtes aussi contents de nous. Nous sommes tous contents. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, tu as un témoignage spécial pour nous faire comprendre certaines choses qui arrivent. Et non seulement cela, la manière dont les serviteurs dits de Dieu doivent gérer certaines choses. Parle-nous. Bon, voilà, moi, mon témoignage, ça me concerne directement. Oui. La façon dont je suis rentré dans une certaine église. Oui. Comment on m'a accueilli. Oui. Et les gens, les conseils qu'on m'a donné. Oui. Après ma soi-disant conversion. Oui. Tout a commencé. Avant, moi, j'étais brouteur. Brouteur. Ici, on appelle ça brouteur, mais le nom propre, c'est anaqueur. Anaqueur. Sur Internet, on fait un faux profil. Oui. On met une photo du blanc. Mm. Et on contacte des personnes. Oui. La plupart, c'est des Européennes. Oui. Et on commence à dialoguer. Mm. On s'arrête à ce qu'elle tombe amoureuse. Donc, ça veut dire, restons sur le profil, sur le travail. Donc, initialement, tu es ce qu'on appelle hacker. Les Français appellent hacker. Justement. Ça veut dire que vous regardez votre poids sur Internet mm-hmm. en créant des profils qui soient des faux profils. Faux profils. Tu prends la photo d'un homme, mm-hmm. D'un homme peut-être blanc. Tu mets, selon que tu veux traiter contre une femme. Oui. Et là, tu commences à parler avec ce langage-là. Enfin. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est d'avoir l'argent. L'argent, oui. L'objectif, c'est d'avoir l'argent. Mmh. Dans le premier contact, on commence à faire connaissance. Oui. Après, on commence à tisser une amitié. L'amitié. Et au fur et à mesure, les choses développent. Et bon, oui. L'amour s'installe. Mmh. Comment tu choisis ton... Et là, tu lui donnes des fausses photos. Mais quand tu lui demandes sa photo à elle, elle donne la bonne photo. Elle donne les bonnes photos. Mmh. Pourquoi tu écoutes, connaisses la cible, la personne avec qui tu as envie de traiter. Voilà. Mmh. Au fait, il y a souvent, on prend des photos des personnes qui ne sont pas facilement là. Oui, facilement détectables. Voilà. Mm. Mais aussi, on prend des photos qui sont des personnes qui sont là. Ou parfois, on a les vidéos. Oui. Les vidéos qu'on peut enregistrer. Oui. On prend, on regarde. Et quand la personne demande à voir une vidéo, on a une application, on appelle ça Stickam. Oui. Donc, on fait jouer la vidéo. Elle voit ça en direct. Elle pense que c'est la personne qui est là. Ok. Donc, c'est une simple vidéo. Oui, parce que la personne sur Internet aussi te voit aussi. Voilà. Mais il te fait toujours la scène comme si c'était toi, alors que c'est pas toi. Justement. Ok. Et pour les autres, quand on n'a pas de vidéo, on essaie de la mentir, puis bon. Ça passe. Dès qu'elle voit la photo, bon, la vidéo, elles ne sont pas trop intéressées. Mais pour celles qui sont intéressées, mm. on fait un montage de vidéo, puis bon, ça les gagne. Ok. Avant d'avancer, comment es-tu arrivé dans ce travail-là? Comment? Dans ce boutage-là? Oui. Oh, c'est difficile de dire que la majorité des gens en Côte d'Ivoire ici, plus de 95%. Font comme ça. Oui. Plus de 95%. Non seulement tu peux avoir l'argent facilement. Oui, mais il y a aussi l'effet de groupe. Oui. Tu peux être un groupe, vous êtes 10, 3. Même si l'autre, son papa a l'argent, bien ta famille vient à te plusieurs. Mais parce que les autres font, oui. Tu entraînes aussi en cela. À faire cela, oui. Et quand tu fais une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, ça devient une habitude. Oui. Bon, comment est-ce que ceux-là, les poids que vous captivez, vous avez l'argent? Parce que là, vous faites une fausse identité sur, mm-hmm. sur YouTube, sur l'Internet. Mm-hmm. Quand, pour envoyer l'argent, parce qu'on envoie l'argent nécessairement par la banque, mm-hmm. et il y a la trace. Mm-hmm. Vous faites comment pour avoir de l'argent? Il y a ce qu'on appelle les fausses pièces d'identité. Oui. Cela se fait en complicité même des agents de la banque, des Western Union. Ok. Donc, vous faites une fausse pièce d'identité sous le nom donc, que vous avez donné à votre... Voilà. Et ces pièces d'identité-là sont officiellement reconnues ou bien c'est une falsification? Ce n'est pas officiellement reconnu. Ça ne nous intéresse pas parce que nous sommes en communauté avec les gens même de la banque. Oui. Donc les hauts gardiens de la banque, ils s'occupent de ça. Quand il y a un problème, c'est eux qui gèrent. Ok. Et ils ont dans ce pourcentage qui vient chaque fois, ils ont le pourcentage à eux? Ils ont le pourcentage. Oui. C'est-à-dire quand on envoie l'argent là, voilà. Est-ce qu'ils ont une cote part? Quand c'est un faux nom, oui. ils ont le pourcentage. Ok. La plupart, c'est 10%. 10% sur chaque transaction? Sur chaque, quel que soit le montant, 10%. 10%. Mm-hmm. Et ni vu ni connu? Ni vu ni connu. Maintenant, toi, pour garder une bonne relation, oui. Quand tu prends, tu leur donnes un peu plus. Un peu plus pour garder une relation. Quand il y a un problème, tu peux dormir en paix. Ok. Wow. Ça veut dire que beaucoup de personnes, les gens doivent faire attention sur Internet alors? La plupart des personnes... doit se méfier. Doit se méfier. Et avec cela, avant de continuer, tu as fait ça pendant combien d'années? Depuis bien avant que Bambo t'a encore pouvoir. Donc ça c'est avant 2011. Avant 2011, 2009, 2008. Oui. 2009, 2008. Oui. Même 2007 t'as encore pouvoir. Oui. Non, depuis 2007, nous sommes en 2017 aujourd'hui. Oui. Ouais. En 10 ans, depuis 9 ans, 10 ans. Oui. Et tu as eu beaucoup de cibles comme ça. Oui. Et quelle est la plus grosse somme que tu as eu par cette méthode-là? Oh, la plus grosse somme en un coup, oui. Retiré sur une seule journée, oui. 4 millions. 4 millions. Oui. Retiré en une seule journée, oui. 4 millions. Et tu, en faisant ça, tu n'as pas pitié de ceux à qui tu, avec qui tu prends l'argent? La pitié n'existe pas là-bas. Ça n'existe pas, on a un but, oui. Avoir l'argent. Oui. Avoir l'argent, quand on a l'argent. Le but est atteint. Et quand tu prends les 4 millions, tu continues la relation avec la personne, oui. Comme si de rien n'était. Oui. Et comment parce tu parles? C'est le mensonge. Le mensonge doit se développer. Oui. Quand tu dis que tu as un tel problème, peut-être on voit l'argent. Oui. Il faudrait que ce problème soit résolu, mais en créant d'autres problèmes. Problème. Voilà. Et finalement, c'est la succession de ce problème qu'il a fait finalement fuir. Voilà, justement. Quand elle est fatiguée d'envoyer l'argent, oui. Souvent, la plupart du temps, elle se rend compte que bon, elles sont. Dans un cercle vicieux, elles se rendent compte tout seul, elles sont vents. Oui. La plupart aussi, elles sont fatiguées, elles n'ont plus rien. Mm. Elles n'arrivent même plus à se nourrir elles-mêmes. Oui. Donc elles n'ont plus d'argent à envoyer. Quand c'est commencé, nous mêmes on les supprime. Oui. Et quand ils vous contactent, vous bloquez. Ok. Et parmi les cibles là, elles n'ont jamais voulu venir vous rencontrer sur place. Si. Mais quand c'est comme ça, on a fait des histoires, on est en déplacement, non, tu ne peux pas venir, je vis dans une misère, tu ne peux pas venir me trouver comme ça. Oui, attends, que ça aille mieux d'abord, comme ça, comme ça, comme ça. Vous racontez le mensonge. Voilà, et puis elle accepte. Wow. Ok, dans ton activité, dis-nous comment tu es devenu un chrétien, comment tu commences à s'intéresser aux choses de Dieu. Maintenant, il faut dire que tu as arrêté cela. Explique-le, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, voilà, dans ma famille, il y avait un problème de sorcellerie en Guinée. Oui. Et il avait fait un songe où, dans ce songe, c'était pas bon. Oui. C'était pas bon. Et j'ai contacté ma femme ici, je lui ai expliqué. Elle m'a dit comme ça que Dieu, tu vas expliquer à mon pasteur. Oui. Et vraiment, mon pasteur, il cousait Dieu, c'est un vrai. Et quand je suis parti, je lui ai expliqué. Il m'a dit, bon, d'accord, tu dois te faire baptiser. Oui. Et on m'a inscrit dans un coup de baptême. Oui. Et j'ai suivi ce coup là pendant 3 mois. Pendant les 3 mois, tu faisais encore tes activités? Oui, j'ai continué mes activités. Ok. Pendant ces 3 mois là, j'ai continué mes activités. Et tu donnais les offrandes à l'église chaque fois? Oui, les offrandes, oui. Mm. Je donnais les offrandes. La dîme, tout ça? Non. Vous ne connaissez pas les dîmes? Je ne connaissais pas les dîmes parce que. Si c'est quelque chose qui venait de moi-même, je donnais comme ça. Oui. Mais des dîmes, non. Parce que moi, il n'y avait pas un salaire fixe. Je pouvais avoir peut-être d'argent chaque 2 semaines, chaque semaine. Oui. Bon, ça dépendait de comment coup, ça pouvait être. Comment tu gagnes, quoi. Voilà. Donc, après les 3 mois, je me suis fait baptiser. Je me suis fait baptiser. Et quand je me suis fait baptiser, après ça, j'ai approché le pasteur. Mmh. Je lui ai demandé, bon, maintenant que je suis chrétien, par rapport à mon travail, ce que je fais là, comment je dois faire maintenant? Et il m'a dit, non, que c'est pas un problème, que je peux continuer seulement, que je dois payer les dîmes, les offrandes, et en plus de ça, je peux faire des offrandes volontaires. Oui. Mais attends, est-ce que à ce pasteur-là, tu as expliqué clairement le travail que tu faisais? En quoi consistait ce travail? Justement, parce qu'ils étaient 3 pasteurs. Oui. Ils sont 3 pasteurs. Et parmi ces 3 pasteurs, il y a un même qui était policier. Policier. Donc lui déjà, il sait comment nous on travaille, oui. On a un peu ce genre de trucs là. Oui. Mais le pasteur principal, lui, c'est-à-dire que les policiers sont censés connaître ce qu'on appelle la cible, c'est bien qu'on voilà, criminalité. Combat nous enfermer. Oui. Mais le pasteur principal, là, lui, clairement, il sait comment ça fonctionne. Oui. Il sait comment le travail. Parce que j'ai dit vraiment, voilà c'est comment il fait sur internet, j'en ai. Et il m'a dit non, c'est pas un problème. Que tout ce qui est dans le monde, c'est pour les enfants de Dieu. Oui. Le policier, la ligne, il était là. J'étais à côté. Oui. Mais c'est le pasteur principal qui me répondait. Oui. Il m'a dit seulement que je peux continuer, mais seulement que je paye des dîmes, mes offrandes, et en plus de ça, des offrandes volontaires. Donc ça veut dire que normalement, comme tu avais construit 4 millions là, tu devais venir, elle devait d'abord 400 000 d'abord, bon. Pour dîmes, et ainsi de suite. Bien avant ça, avant de faire commencer le coup de baptême, Oui. On m'a fait passer un acte. On appelle ça, ils appellent ça action prophétique. Oui. On m'a fait citer dans tous les différents coins du Marabout où je suis passé. De citer ça. Hein? Voilà. Uh-huh. Combien je peux gagner par mois, soit en un mois ou bien dans. Mais essayer de voir combien je peux toucher. Attends, ça veut dire qu'on essaie de faire une auto-évaluation de ton salaire, de ce qu'on appelle une. Qui à peu près ton salaire. Justement. Oui. Mm-hmm. Qui faisait cela? Le pasteur principal. Toujours lui. Celui qui m'a conseillé de payer mes 10 000 au fond. Oui. Celui qui m'a conseillé, celui qui m'a posé ce genre de questions. Mm-hmm. Donc je disais que pour moi, en tout cas, je n'ai pas de salaire fixe. Oui. Et puis avoir des millions. Oui. Mais si mes affaires n'ont pas marché, oui. Mais moi au moins il peut avoir 600 000. Oui. 600 000 c'est si je n'ai rien fait. Oui. Moi j'ai mis 600 000 plus moi. Oui. Donc c'est après ça, ils ont pris hâte, ils m'ont fait yapper le vin, une bouteille d'eau d'Awa. Oui. Et il y avait un peu de sel. Et ils m'ont dit que c'était pour couper le lien. Et la sorcellerie. Avoir tous les marabouts sur lesquels ils étaient passés. Oui. Avec le vin, le sel et puis l'eau minérale. Oui, oui. Mmh. Avec du sable aussi. Du sable. Avec du sable. Mmh. Avec du sable. Et puis il y avait aussi l'huile d'olive. Oui. Mais c'était le sable d'un lieu particulier ou bien. Le sable d'un lieu chez un marabout que j'avais fréquenté. Donc tu allais prendre le sable chez le marabout. Dans le quartier. Dans le quartier du marabout. Oui. Mmh. C'est là-bas, il y a plus le sable. Oui. Donc après mon baptême, je l'ai approché, lui m'a dit, bon voilà ce que je fais avec Dieu. Mmh. Comment ça se passe? Il m'a dit non, qu'il n'y a pas de problème. Mmh. Je peux continuer seulement que je paye mes dîmes, oui. Mes offrandes. Et hormis ça moi-même, que je donne des offrandes volontaires qui viennent de moi-même. Oui. Sinon, il n'y a pas de problème à ça. Oui. Les autres pasteurs, parce que tu as dit ils étaient trois pendant qu'ils parlaient. Oui, ils étaient trois. Il y a deux qui m'ont donné une même version. Oui. Le troisième, le policier, oui. M'a dit carrément que lui ne peut pas m'encourager dans cette voie-là. Mais il a dit ça là c'est un à côté. À côté. Quand voilà. Seul à voilà. Oui. Il m'a dit seulement que lui ne peut pas m'encourager dans cette voie-là. Seulement que si moi-même mon moral était fort, oui. Je n'ai pas dû demander bon, en tant que chrétien comme un. Oui. Sinon, lui ne peut pas m'encourager, oui. Dans cette voie-là. Mais seulement que si je peux arrêter, j'arrête. Mmh. Et là, si tu arrêtes, la conséquence, c'est que tu n'as pas donné les dîmes forts, les offrandes faire, le volontaire faire. Et le pasteur te demande, mais depuis là, tu as dit que minimum c'est 600 000, nous sommes passés les 60 000 des dîmes là. Oui. Et quand il t'a dit ça, qu'est-ce que tu as compris qu'il y a une différence entre ce que lui dit et ce que les deux autres pasteurs sont de premier? Oui, oui. Mmh. Bon, il a compris que j'ai essayé de voir, je me suis dit, mon père, comme il est policier, comme il est policier, il a donné ma vie de policier. Oui. Il a donné ma vie de policier. Alors que les autres ont donné des avis de pasteur. Mais il dit, bon, lui, c'est un avis de policier, il a donné. Oui. Donc, bon, je continue dans mes œuvres. Ben, tu continues, tu as assisté au culte tranquillement. Voilà. On prêchait souvent, chaque fois que tu es assis là. Mm-hmm, on prêchait, qu'est-ce que le style de prédication que tu as suivi et tu as assis là en entendant? Venez donner dans la maison de Dieu. Mm-hmm. La plupart du temps, c'était que. C'était des appels de fonds. Fond, oui. Pour soit cimenter l'endroit, oui. Soit pour payer telle chose, soit pour payer telle chose. La plupart du temps, c'était comme ça. C'est ça. Où il y a telle soeur qui doit se marier, cotisation, il y a telle soeur qui a une action de mariage. Oui. Bon, la plupart du temps, c'était ce genre de choses. Et durant le cours de l'appel qu'on a fait pendant 3 mois avant que je le baptise, quelles sont les choses qu'on a donné comme cours? Le résumé, qu'est-ce que Jésus, qui est Jésus, qu'est-ce qu'il est venu faire, quel est le sacrifice de la croix, quel est. Et il n'y a pas d'impact sur ta vie, il n'y a pas une conséquence sur ta vie. Non. L'impact, non. Seulement que le dimanche, je n'étais plus à la maison. Mmh. Le dimanche, je me levais pour aller dans un lieu. Mmh. C'est tout, c'était ce changement qui était. Ok. Et quand tu finis dimanche, lundi, tu continues ton travail? Même pas lundi, le dimanche soir. Quand tu finis le culte, tu continues. Voilà, le dimanche soir, en temps, le culte, tu fais ton truc dans les cyber. Mm-hmm. Et maintenant, durant ce moment, comme le pasteur t'a dit comme ça, est-ce qu'il t'est arrivé donc effectivement de faire ces choses, de gagner encore, et puis de donner les offrandes comme il a dit, il a dit. Oui, effectivement, quand je continuais, j'avais toujours de l'argent. Oui. Mais en temps, j'avais déjà commencé à écouter l'enseignement. sur le site Bambaiba. Déjà, avant qu'on y arrive, comment tu as fait pour arriver? Toi, tu es hacker. Mm-hmm. Tu es quelqu'un qui est censé faire des choses sur Internet. Comment tu as fait pour arriver sur Bambaiba? Comment? La plupart du temps, le soir, quand je finissais de travailler, je vais un peu sur Internet. Oui. Bon, j'essaie un peu de voir les choses qui me distraient un peu. Oui. On me dit, c'est dans ça. Un jour, je suis tombé sur l'enseignement. Je vois le pas le nom de Dieu. Oui. Et quand j'ai écouté, ça m'a dit, mais ah, je vois mon chant chaque jour ici là. Comment on vient nous dire que c'est pas le nom de Dieu? Donc j'ai téléchargé le lendemain, j'ai mis ça au salon et tout le monde a écouté. Oui. Donc c'est à partir de cet instant que chaque soir, à chaque fois que j'ai fini. Oui, tu passes sur le site là. Non, en ce moment j'ai. Au fait, je ne sais pas, je n'avais pas tapé le site Bambaiba oui. pour tomber directement sur. Oui, tu ne sais pas ce que tu faisais. Je ne sais pas comment toi je suis tombé sur ce site-là. Oui. Mais quand je finissais, je me prenais un peu sur YouTube de voir les vidéos des pasteurs. Mm-hmm. Et c'est comme ça. Sinon, il n'avait pas forcément. Je ne connaissais même pas le site Bambaiba. Oui. Mais je suis tombé sur l'enseignement. La vidéo, voilà. Attention chrétienne, je vais voir le nom de Dieu. Uh-huh. Donc, je cherchais ça, j'écoutais. Mais là, tu n'as pas le nom de site là où tu as pris ça. Non. Je ne connaissais pas le nom. Mais comme il avait déjà écouté pour une première fois, oui. quand il partait sur YouTube, on mettait en bas en recommandé. Oui. Oui. En recommandé. Le deuxième enseignement qu'il a écouté, c'était Shekela n'est pas le nom de Dieu. Tu as dit, c'est encore quoi ça? Voilà. Quand il a écouté, ah, mais tout ce que nous on cherche ici, là, c'est pas bon. C'est vrai, le feu est là, c'est lui le problème, c'est lui. Quand j'ai écouté ça encore, j'ai téléchargé, j'ai mis au salon, oui. j'ai appelé mes frères, j'ai dit, mais voilà ce qu'on chante là, voilà, on dit c'est pas bon. Et quand ils écoutaient, premier, je vais voir, quand ils écoutaient, comment ils ont dit? Bon, il y a une grande chose, c'est elle qui a été un peu attentive, sinon le reste. Les gens n'écoutaient pas? Non. Mm. Non, elle était un peu attentive. Mais après, l'effet est passé. Mm. Après, l'effet est passé. Donc, c'est à partir de ces deux enseignements que chaque soir, j'ai commencé à écouter un peu. Mm. Ce qui a fait que, arrivé même dans la soirée des églises, il connaissait déjà ce que c'est la dîme. Oui. Donc, il m'embêtait pas pour aller donner mon argent oui. à ces gens. Parce qu'il savait que ce n'était pas ça. Oui, donc tu as écouté maintenant clairement, tu as compris. Voilà. Et tu es resté calme, tu partais dans ta soirée, que tu vas encore voir mon argent. Voilà, je ne donnais pas en tout cas, parce que moi, je savais comment il peut toucher. Donner 60 000, 100 000, ça pouvait même aller dans 200 000 souvent. Oui, que tu donnais comme ça. Non, que si je t'avais donné en 10 000, oui. ça pourrait aller dans 200 000, 300 000, souvent 400 000. Oui. Et je dis non, tu ne peux pas donner aussi l'argent facilement comme ça. Je me souviens quand même. Facilement, mais tu ne peux pas donner ça facilement comme ça. Tu vois, quand je suis content, oui. je lui donne. Une somme que moi je veux, mais au plus profond de moi, je sais que c'est pas la dîme. Oui. Mais tu as enseigné cadeau seulement comme ça. Et quand tu donnes comme ça, il t'apprécie beaucoup. Oui. Et tes tables, il a ta main, il prie encore. Oui, oui. Il prophétise sur toi. Oui, parce que quand je suis rentré dans le coup du baptême, c'est moi qui ai payé pour. J'ai payé pour les autres qui n'avaient pas l'argent. Attends, le coup du baptême, on paye là-bas. Oui, on paye, c'était 5000 francs. Pour faire quoi? Inscription. Inscription là, au cours du baptême. Au cours du baptême, oui. 5000. Wow. Il y avait combien de personnes là-bas? Il y avait une dizaine. Dizaine de personnes. Une dizaine, il y a payé pour 6. 6 personnes. Six personnes. Mm-hmm. Vous ne pouvez pas expliquer pourquoi on a pu enseigner et les baptiser. Bon, mais quand le pasteur prie pour toi, par exemple, pour toi, je veux qu'on s'amuse un peu. Mm-hmm. Quand le pasteur prie pour toi, pour que ton travail marche bien, qu'est-ce qu'il veut enseigner à Dieu, par exemple? Qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Selon moi que. Le Seigneur me garde ces policiers-là. Parce que dans la police, il y a des gens qui sont avec nous. Oui. Il y a des gens qui sont contre nous. Oui. Il y a des gens qu'on ne peut pas corrompre. Oui. Sinon, qu'on a même vu qu'ils sont là, on leur donne de l'argent. Pour couvrir, pour fermer les yeux. Mais la plupart du temps, même, dans la fausseté, il y a toujours des faux. Oui. La plupart du temps, même, ces personnes, ceux qui ont compte, oui. ils disent à leurs amis, bon, ce petit-là, il ira dans telle agence, retirer combien d'argent. Oui. Donc, allez l'attendre là-bas. Même les personnes avec qui tu travailles, c'est comme ça. Pour monter, pour qu'ils prennent aussi l'argent aussi là-bas. Wow. Quand tu viens prendre l'argent, la police t'arrête. T'arrête. Tu donnes pour la police. Mais plus souvent, même, tu ne donnes pas, ils prennent tout. Ils prennent tout pour partir avec. Ils prennent tout. Ils te laissent encore comme ça. Ils te laissent, voilà. Quand tu fais encore un projet, ils prennent encore. C'est comme ça, ça passe. Donc, finalement, tu travailles pour eux. Et quelles sont les stratégies pour pouvoir contrer ça? Comment vous faites aussi ça? on tisse directement une alliance avec les caissiers d'agence. Oui, comment ça vient, il dévie rapidement. Donc quand le code vient, on envoie ça par message. Oui. Quand une fois que c'est coupé, oui, on attend à décembre 18h, oui, on se croit qu'il y a un restaurant, oui, puis on pense à ni venir pour nous. Donc c'est elle-même qui le tient. Elle-même qui le tient, puis elle vient nous donner. Oui. Mais il y a le feu partout. Partout. Ok, on avance. Donc je t'ai posé la question. Mm-hmm. Quand le prophète là, principal, t'arrête la main, ou bien prie sur toi que Seigneur bénisse ses frères afin qu'il donne encore davantage à ta maison. Mm-hmm. Il est en train de dire quoi à Dieu? Que Dieu suscite des gens que tu vas tromper. Qu'il me donne encore plus de personnes pour escroquer. Et pour escroquer. Mm-hmm. Encore que plus intelligent. Les gens pour pouvoir mentir, mm-hmm, voler les gens. Mm-hmm. Est-ce que Dieu écoute ces gens de prière? Non. Au même endroit. C'est là-bas, je connais. Viens, ma soeur, viens. Viens. Ce sont les témoins vivants de la foi. Est-ce que ça soit ici? Non, ici. C'est à côté de l'écrit comme ça, mon cher. Oui. On est arrivé. Donc, finalement, ton épouse, c'est dans ce processus-là que tu as connu ton épouse. Bon arrivé, madame. Que Dieu te bénisse. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que tu es un ancien complice. Bon, je ne sais pas le nom. Tu es un ancien complice. Ancien, je veux dire ancien, non? Mm-hmm. Donc, tu es un ancien complice D. Point d'interrogation. Dis-nous comment ça s'est passé. Comment il a fait pour t'avoir? Bon, donc, tu travailles à Espresso Euro, c'est Western Union. Oui. Mm-hmm. Il devait retirer son argent là-bas. Oui. Bon, souvent c'est à cause des policiers. Oui. À cause des personnes aussi qui sont autour, ne pas qu'on tombe sur eux. Oui. Donc on échange les numéros. Oui. Donc ils nous envoient le code par message. Dès qu'on reçoit, on vient, oui, reçu. Oui. On valide, c'est fini, on est ok. On les envoie le montant par message. Oui. Maintenant le soir, notre décembre, on se croise, c'est pas. Tu sors avec cet argent là. Mm-hmm. Mais ça, tu peux avoir, ça dépend. Et tu as combien de clients? 10 clients par jour, tu te promènes, tu distribues. Tu distribues. Même toi, tu devais avoir l'argent. Hein? Oui, beaucoup. Beaucoup? Oui. Peut-être qu'ils vont te donner 100 000, 200 000, ça dépend. Ça dépend de ceux qui ont eu beaucoup, tu donnes. Et tu, là, avec tes patrons, il n'y a pas eu de répétition. Et même, ils sont au courant, ils savent comment ça se passe. Mais chacun se dit, joue son voit tout. Mm-hmm. Juste quand les codes viennent, puisque ce sont les faux noms. Oui. Souvent, c'est les cas d'entité qui ramassent comme ça. Les personnes à fond décédées, mais soit c'est perdu. Oui. Nous, on vient avec les cartes. On sent même que c'est pas. On sait que c'est pas. Il te montre une carte, c'est pas sa carte. Pas sa carte. Okay, tu donc, sais. Donc, souvent, quand les gens marquent, ils égalent les cartes. Ils utilisent ces cartes là pour les présenter. Mm-hmm. Le nom qui est écrit sur ça, c'est pas son nom. Mm-hmm. Ou le nom de la personne qui veut prendre là-bas. Mm-hmm. Ok, mais tu acceptes. Le nom qui est sur la carte, oui, c'est à ce nom que l'argent vient. Donc, oui, du oui, moment, voilà. Mais ça reste. Si on ramasse une carte d'entité, okay. C'est le nom qui est sur la carte qu'ils vont donner aux clients. Donc, c'est vrai que quelqu'un peut marcher comme ça, il égale sa carte. Mm-hmm. Son nom est en train d'être utilisé quelque part. Mm-hmm. Et le jour où on fait une enquête, on tombe sur la personne, alors que la personne ne connaît rien. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que si quelqu'un égale sa carte, il faut normalement qu'il signale rapidement à la police, mm-hmm, que sa carte est égarée. Pour qu'on voit le jour où ça a été égaré. Voilà. C'est un danger qu'il faut qu'on informe les gens. Et donc, toi, tu as la caisse, quand elle vient, tu le vois, peut-être c'est la carte, peut-être c'est Joseline qui est sur la carte. Alors que normalement, lui, c'est la tête d'un homme. Mm-hmm. Tu sais que ce n'est pas lui. Non, et donc là, maintenant, vous avez des marchés que vous faites ensemble. On avait 10% sur le montant. Vous êtes fort ici, disons. Très fort. 10% sur le montant. Mm-hmm. Tu as comme ça 5 clients. Si les gens comme nous, on vient maintenant pour payer, on dit que non, faites que le gars part rapidement. On dit qu'il n'y a pas connexion. Il n'y a pas connexion. Quand c'est retour, on dit qu'il n'y a pas connexion. Ça, on a coupé le courant. Vous coupez le courant. Soit tu appuies en bas. En bas comme ça, le courant se coupe. On dit qu'il n'y a pas connexion. Ne passe pas. Pour faire quoi aujourd'hui? Ok, pour c'est un retrait normal. Ça ne nous arrange pas. Ok. Mm-hmm. Pour les faire parler, pour qu'ils donnent pour faire le marché, quoi. Ceux qui viennent là, oui, sur eux. Leur retrait est normal, oui, t'as dit c'est leur carte. Oui. Le col leur appartient. Quand, oui, on voit que c'est 100 000, oui, quand on tire, on leur donne directement les 100 000. C'est parti, oui. Voilà. Mais quand c'est eux, vous quand connaissez comment vous connaissez. Non, 10%. Donc on fait 10%, on veut. Donc quand c'est eux, on sait. Mais quand c'est les autres, on dit soit il n'y a pas le courant ou il n'y a pas de connexion. Ok, comme ça, il parle, il dit que ok. Ok. Oh, on comprend maintenant. Et donc, et quand tu lui as donné un de 5 jours comme ça, là, il a dit que ah, tu es gentil. Et puis ça a commencé, n'est-ce pas? Mm. Mais quand il fonctionne, toi tu l'aimais, tu ne savais pas, tu savais que ce qu'il faisait était faux, tu n'as pas conseillé de quitter. Bon, auparavant, au début, il n'y avait pas ça. Au début, on était, j'étais juste client. Voilà, moi, je travaillais. Mais avant que tu nous rencontres, d'autres personnes te faisaient déjà ça. Vous faisiez les mêmes choses. Oui, avec tous les clients. Mais tu t'es habitué. Voilà. Et là, dans son témoignage, en première partie, il a dit que c'est lui, c'est toi qui l'as amené dans ton église. Oui, oui. Donc maintenant que tu faisais ça, toi, tu étais dans l'église. Oui, pas à l'église, j'étais chante. Tu te chantes. Applaudissons pour elle d'abord. Tu chantes Jésus va être son bien. Tu chantes, tu écris, tu coules bien. On danse bien là-bas. Il danse bien. Et ton pasteur savait que tu faisais ce genre de choses aussi. Oui, oui, ça va. Qu'est-ce que tu avais fait? Elle a dit. De tout ça. Mais il m'a aussi dit dans son témoignage que c'est toi qui m'as dit que ton Dieu, ton pasteur, il parle avec Dieu. Oh, bon, continue ta conversation. Voilà, donc c'est comme ça, dans nos causes, plus sûr, il faut garder une relation avec les clients. Oui. Je causais beaucoup avec lui. C'est comme ça qu'il s'est confié à moi. Oui. Par rapport à la sorcellerie de sa famille, il lui a dit, ah, ne faisais pas qu'il est fait. Moi, je vais l'inviter dans mon église. Oui. Je vais le confier à mon pasteur. Ton pasteur parle avec Dieu. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il est invité à l'église. Et puis il a croisé les différentes personnes, ont commencé à causer, donc comme ça, qu'il s'est fait baptiser. Mais ton pasteur ne t'a pas félicité? Si, si. Pourquoi tu as envoyé? Oui, il a envoyé quelqu'un de bien. À l'église. À l'église. Il était même, je crois. Un mec de l'Église. Président de secrétaire, il était secrétaire de la jeunesse. De la jeunesse, pour pouvoir former bien la jeunesse là. Et puis il était le parrain aussi. Le parrain de. Comme le parrain, c'est ça, le parrain des. De baptiser, de baptiser. Comme ça, si manque l'argent là-bas, tu donnes. Appelez-en encore pour l'église. Ah, bien fort, c'est en Côte d'Ivoire. Le nom de l'église, là, c'est pas. EEJCA. EEJCA. EEJCA. Église évangélique, Jésus-Christ en action. Merci. Ça, c'est Jésus-Christ en action, ça. Mais vous n'avez pas peur de répercussions, allez, c'est comme ça. Non, c'est pourquoi il n'est pas agité à Dieu. Si c'est pour la gloire de Dieu, il n'est pas peur. Ok, donc si le pasteur dit maintenant que tu as mis de raconter des choses sur moi maintenant, comment tu veux que je le dise? Il connaît chez moi. Il connaît chez toi? Ok. Mais est-ce que c'est Jésus que je demande en action alors là-bas? Avec lui, ce que vous allez raconter là, est-ce que vraiment là-bas c'est Jésus en action? Non, pas le véritable. Pas le véritable. Mais entre guillemets, celui qui sait le Seigneur, il est vraiment en action. Oui. Il est vraiment en action. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, le pasteur t'a félicité en disant que non, si il faut amener les clients comme ça, toi tu étais content, tu donnes, tu ou chantais encore pour la gloire de Dieu ce jour-là. Est-ce qu'avec le recul, ça honore Dieu? Non, non. Ça n'honore pas Dieu. Mais en fait, on le faisait, on ne savait pas, on ne nous avait jamais dit que devant Dieu c'est un péché. Oui. Jamais. Comme il me l'avait dit, moi je partais à l'église. Mais à ma vie que je menais, oui. Je menais une vie qui n'était pas bonne devant le Seigneur. Toi aussi. Oui. Je sortais dans les boîtes de nuit, souvent même on fumait la cigarette. En tout cas, je faisais ce qu'il faisait quand une jeune fille. Oui. Je m'habillais comme je voulais, mais le dimanche, je suis à l'église. Tu chantes à la on courant. Peut sortir, on sort samedi, on rentre à 5h du matin. Oui. On va se reposer 8h. On se lave même pas, on s'habille. C'est ok. On chante. Tu dis bien, mais si tu ne chantes pas, si tu ne danses pas ici, c'est que tu danses ailleurs. Alors c'était toi qui dansais ailleurs. Oui, il est bien dansé là-bas. On faisait tout ça. Mon père à l'église. Oui. Donc c'est dans ces enseignements qu'il écoutait là. Oui. C'est comme si un jour m'a parlé d'un enseignement. Que on a qu'à essayer de se revoir. Parce qu'il écoute les enseignements sur internet. Mais la vie qu'on mène là, c'est pas ça. À Dieu, lui, comme on dit, non. Qu'un chrétien, une chrétienne ne doit pas vivre comme ça. Il faut l'écouter où est pour toi là. Que tu ça fait 10 ans à l'église, tu me racontes quoi? Tu viens hier, c'est moi et ta mère. Il n'y a pas de cheveux, on ne tresse plus, bout d'oreille, pantalon. C'est tout ça. Il dit c'est l'homme de Dieu, le frère Junior. Il vous dit à l'église. Tu as dit que je ne connais pas le frère Junior. Je ne connais pas. Donc ça arrive souvent, tu sais, il dit c'est pas d'accord avec ça. Moi, il veut toujours m'appuyer comme je veux. C'est pas dans tes trucs là. Que fais je avec toi là? Allez-y. Je n'ai même pas même écouté l'enseignement. Non, c'est un jour, il est sorti. Oui, t'as laissé à la maison. Et puis j'ai écouté. Oui, toi-même. Moi-même. Mais qu'est-ce qui t'a fait que tu ne pas mettre ça là? Tu écoutes. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller écouter? Bon, en fait, ce qu'il disait était quand même la vérité. Oui. Mais si tu sais que tu es chrétien, c'est Dieu que tu ne dois plus faire. Il faudrait qu'il y ait une différence entre toi et ceux du monde. Oui. Mais comme on n'est pas habitué à ça dans nos églises, puisqu'on se dit de se faire belle, de se faire chic. Faut que tu te fais chic. Si tu es chrétien, tu dois être joli, beau, belle, pour séduire. Donc, ne voit pas encore partir attacher foulard comme les années 50 ou bien quoi, de porter leur grand jupe. Ça, c'est plus à la mode. La rue ne se fait chic chic. Il lui a dit bon, nous sommes plus dans de la grâce, donc tout ça, on n'a pas quitté là-bas. Nous sommes dans la grâce. Donc, on est déjà sauvé, on peut tout faire. Il insistait. Parce que souvent, on discutait. Il dit bon. Quand vous discutez, il était calme. Il était calme. Lui-même, il voulait faire la force aussi. Parce que lui, il a vu, ça l'a touché. Donc, d'abord, il a compris. Moi, de comprendre comme ça. Moi, je ne pas comprendre comme ça. Il ne veut même pas comprendre comme ça. Donc, l'enseignant, quand il est sorti, j'ai écouté l'enseignement. Comment tu allais mettre en marche seul. Seul. En tout cas, ça m'a touché. Mon cœur a commencé à battre, j'ai arrêté. Maintenant, il ne veut pas continuer. Puis, il a dit il a arrêté. C'est bon. Il n'a plus écouté l'enseignement. Il n'a plus écouté l'enseignement. Donc, maintenant, arrivé au moment, on ne regardait plus la télé à la maison. C'est l'enseignement sur le même métier. Mais il passe ici l'enseignement. Il passe ici au frère Junior. On ne peut même pas rester au frère Junior. Je dis, frère Junior, mais quand il parle, c'est qu'il dit, on n'entend même pas. Si tu entends, il dit, il parle vite, nous, on n'entend pas. Il n'écoute pas. Il n'entend pas, il n'écoute pas. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à écouter les enseignements. En tout cas, ça nous a fait du bien. En tout cas, surtout à moi, par rapport à la vie que je menais. Ça m'a fait du bien. Parce que je vivais vraiment dans le désordre. Dans la débauche sexuelle, même en tout cas. Je ne savais pas qu'aujourd'hui, je pouvais rester avec une seule homme. Jamais. Jamais su ça. J'étais esclave des hommes, franchement. Esclave des hommes. J'avais plus de 5, 6 à 7 ans. Donc la masturbation, c'est la question. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Dans le domaine des enseignements, c'est ça t'a purifié, ça t'a nettoyé. Ça m'a purifié. Bien sûr, vraiment que Dieu existe. Amen. Parce que seul, je ne pouvais pas le faire. Souvent, même quand je suis là, le masseur, je dis, oh Seigneur, mes parents ne savent même pas que je suis comme ça. Mais là, moi, je suis. Mon potage sonne le cou et mon vin. Donc, mon frère aussi, je l'ai complété parmi mes gars. Il était le sixième. Oui. Donc, c'est comme ça. Donc, tu servais déjà par ordre d'arrivée. Je peux laisser un et puis je viens compléter avec deux. Mais c'est comme ça que je disais. Et jusque là, tu partais chanter à l'église. Oui, je partais toujours à l'église. Tu donnes la dîme à l'église. Je partais toujours à l'église. Est-ce que les gens ne prêchent pas contre le péché là-bas? Pas tout, en tout cas, pas comme ça. Ah, ce n'est pas ça. Disons la vérité. Allons-y. Oui, ne montrez pas, allez voir, on ne t'entend pas bien. Quand je suis rentré dans l'église quelques mois après, j'avais déjà une base avec les enseignements que j'écoutais. Oui. Donc quand je suis rentré, il y avait des choses qui avaient remarqué. Oui. D'abord l'emplacement des chaises, les prédicateurs. Les gens qui comme ça là, c'est la prédication qui marchait dans ta tête. Il guettait les choses. Et dès qu'on sortait, elle commençait à lui dire que votre pasteur, c'est un faux. Oui. C'est un faux. Et où ça a commencé, là-bas, il était encore dans le monde. Oui. Et elle était enceinte. Quand elle me dit, j'ai crié, il t'a dit que moi, je n'ai pas enfant. Tu viens me dire que. Elle s'est fâchée, elle est partie. Et quand elle est partie, elle allait expliquer ça à son pasteur. Il lui a dit de prendre une bouteille de Coca-Cola. Oui. Il va prier dessus et la grossesse va tomber. Donc elle va prier sur le Coca-Cola pour enlever l'enfant. L'avortement. Quand elle m'a dit ça, il lui a dit, moi je ne suis pas chrétien, mais sur la base de ce que tu as dit, sur la base de ce que tu veux entendre là, je sais que ton pasteur c'est un sorcier, c'est un faux. Oui. Que Dieu n'est pas dans notre affaire d'avortement. Si quelqu'un fait il y a les médecins qui sont là, Dieu n'est pas dedans, il peut pas venir saluer son nom dans le champ de cela. Donc depuis ce temps même, il y avait des choses qu'il ne comprenait pas. Oui. Il y avait des choses déjà même par rapport à 1 Timothée 3, comment il doit être organisé. Oui. Il savait que déjà, il n'était pas en phase avec la parole. Oui. Parce que non seulement il est divorcé, il ne s'occupe plus de ses enfants, il vit avec une autre femme qu'il n'a pas mariée. Oui. Et toutes ces choses-là, toutes ces choses-là, nous les nouveaux, on ne savait pas vraiment. Oui, ils cachaient. Voilà. C'est quand il a commencé à durer un peu, qu'on savait tout ça, que ça a commencé à sortir. Oui. Et il avait même dit à mon ami que si mon ami ne veut pas que sa copine le trompe, qu'il prenne de l'huile d'olive, il va prier dessus. Et mon ami prenne pour frotter et puis qui va avec la fille là. Oui. Va plus sur la pareille, j'ai d'accord, on fait le rapport sexuel. Voilà, elle ne va plus jamais le quitter. C'est pas l'envoûtement. De même aussi pour les femmes, il leur disait d'envoyer leur pommade qui va appuyer dessus une fois qu'elle se frotte. Oui. Si un homme le prend, la prend. Il ne peut pas partir. Oui. Il va toujours rester. Ça, c'est Jésus-Christ en action. Tu as dit que l'église t'appelait comment déjà? Église évangélique Jésus-Christ en action. C'est ici à Abidjan. Ici à Abidjan. Oui, ils sont posés internationaux. Ils ne sont pas de part et d'autre dans la Côte d'Ivoire. Bon, ils sont, la plupart sont à Abidjan. Oui, dans sont dans les différentes communes même. Oui. Lui, le principal qui a créé tout ça. Ou bien? Bon, n'est pas le fondateur même est décédé. Mais après le décès du fondateur, c'est lui qui avait relayé. C'est lui qui était la tête. Donc, c'est lui qui a la tête de tout ça maintenant. Voilà, mais après, ils l'ont déçu par rapport à son histoire de sa femme là. Oui. Donc, ils l'ont levé là-bas. C'est un autre qui a pris sa place. Oui. Mais est-ce que c'est l'attitude d'un serviteur du Seigneur comme ça? Non, jamais. Voilà pourquoi quand j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à la parole, j'étais à la maison et puis c'est comme si je me suis rappelé un peu de ma vie. Oui. Et je me suis posé la question, mais si le Seigneur m'a gardé jusqu'à à cette heure-là, oui, je ne suis pas mort, je n'ai pas été en prison, c'est pas pour continuer dans cette voie. Parce que il y avait des gens qui étaient comme moi, oui, qui étaient moins âgés, plus âgés, qui sont morts. Dans ce travail que tu faisais là. Oui. Oui. Il y avait un homme qu'on devait traiter une affaire, il l'a appelé, il lui a dit, bon, il y a mon colis qui vient de France, qu'au fait, tu vas dévanner. Il m'a dit, ok, ne t'inquiète pas, à 14h. Oui. Non, il m'a dit à 16h. Oui. À 15h, il appelait, il ne décrochait plus. Oui. Après, on m'appelle pour dire qu'il est décédé. Il est décédé comment? Chris Kajak, il est décédé. Il est décédé. Il y avait mon petit aussi qui était moins âgé que moi. Oui. Qui est mort dans cette histoire. Dans cette histoire. Et donc, toi, Dieu t'a préservé. Donc, quand je suis assis une fois au salon, il tente de réfléchir. Il dit, mais si moi, je n'ai pas fait la prison, je ne suis pas décédé de ce genre de choses-là, c'est pas qu'on continue. Oui. C'est vrai que le pasteur m'a dit, je peux continuer, mais si je meurs dans ce genre de truc-là, je vais me retrouver où? Voilà. Je vais me retrouver où? Sinon, ça, il a décidé d'arrêter complètement. Complètement. Et avec si tu mesurais bien le prix, gagner l'argent facilement 4 millions. Oui. Tu imagines que si tu coupes là, tu ne vas plus avoir 5 francs facilement. Oui. Parce que bien avant ça, dans la nuit, c'est pas comme s'il y avait un songe où je faisais une réunion avec moi-même, mais à 3. Oui. Moi-même, j'étais à 3. Comme le frère Achille, non. J'étais à 3. Comme le frère Achille. Avec un qui était bien habillé. Oui. Voilà. La façon dont quand il m'habille pour aller dans les bars. Oui. Il y avait un qui était simple, qui était ici. Oui. Et puis moi, j'étais au milieu. Oui. Et chacun d'eux parlait. Il y a l'autre qui disait, celui qui était bien habillé, qui partait dans les bars, il disait, mais si moi, je ne fais plus ça, ils ne vont plus me respecter. Voilà. Quand ils passent, les vieux pères qui saluent, les grandes personnes, mais qui te disent, ah, mon vieux père, c'est à cause d'argent. Oui. Hein? Il y a certaines choses qu'il n'y a plus à voir. Oui. Tu veux que tu me dis d'arrêter, il a fait comment? Et celui qui est ici, lui, il pleurait. Oui. Il disait, non, je ne veux plus faire. Oui. Non, je ne veux plus faire. Il va me débrouiller. Non, je ne veux plus faire. Maintenant, moi qui étais au milieu, c'était moi qui étais un peu comme le juge. Oui. C'est moi qui disais, toi, après toi, attends, lui va parler. Toi, après toi, attends, lui va parler. J'ai jamais fini, c'est de la même histoire. Ouais. Ouais. Donc, le matin, quand je me suis levé, cette scène-là encore, j'ai commencé à réfléchir. À réfléchir à ça. Et puis, j'ai dit, non, c'est vrai que si j'arrête. Je vais souffrir. Ce mec me saluait avant parce que quand il passe comme ça, même papa, oui, il va m'appeler grand frère. Parce que à cause de l'argent que voilà, tu as la majorité, oui. Voilà. Les filles, même peut-être, dans la vie normale, je ne peux même pas rapprocher pour dire bonjour. Quand il passe, c'est un mec qui m'a couru pour venir vers moi. Tout ça, bon. Il a réfléchi et puis il a dit non, je vais vraiment arrêter. J'ai tout arrêté. J'ai arrêté. La vie a commencé à être dure pour moi. C'est là maintenant j'ai commencé à faire des CV. Déposer. Dans les, mais je suis un informaticien. Je suis un informaticien chevronné. On ne peut pas savoir ce qu'il peut faire ici dehors. Oui. Donc, il a commencé maintenant à chercher du boulot. Et... Mais malgré ça, j'avais arrêté. Mais les personnes même que j'ai attaqué là, oui, je savais que je ne causais plus avec elles. Oui. Elle n'avait pas encore dit la vérité. Oui. Et... Un jour, j'ai écouté l'enseignement sur restitution. Quand j'ai fini d'écouter ça, la maison me dégoûtait. Donc, l'enseignement sur la restitution. Oui. Quand le jour, tu es tombé là-dessus, qu'est-ce qu'on disait dans l'enseignement? Oui, qu'est-ce qu'on disait? Bon, là, on disait de vraiment restituer tout ce qu'on a mal acquis, de compter sur le Seigneur. Et restituer les biens mal acquis, c'est le titre de l'enseignement. C'est ça, ouais, c'est ça. Tu es trop fort. Ouais. Quand j'ai fini d'écouter ça, j'ai commencé à regarder un peu ce qu'il y avait chez moi. Il y avait une grosse télé de 42 cm. Oui. Et la climatisation. Oui. Me disait, il t'appuie un peu comment il allait vendre pour donner à cette personne-là. Oui. À partir de ce jour-là, vraiment, je ne me sentais plus bien. Oui. Et je lui ai dit, ah, vraiment, c'est vrai que j'ai arrêté, mais cette personne que j'en accueille, il faut qu'il leur dise qui je suis. Oui. Amen. Et elle, elle a dit, non, mais s'il ne fait plus ce don comme ça, tu vas faire te mettre en prison. Oui. Et je lui ai dit, mais si on me met en prison, c'est ce que je mérite. Amen. J'avais plus peur. Amen. Il lui a dit, si on me met en prison. Mais c'est pour le frère. Je lui disais, si on me met en prison, c'est ce qu'il mérite. Au moins, il a fait la prison, c'est bon. Oui. Il va le dire. Oui. Je me suis reconnecté ce jour-là. Elle n'était pas encore libre. Oui. Mon cœur battait fort. Oui. Mon cœur battait tellement fort que. Mais ce jour-là, le frère Junior était en ligne en ce moment. Oui. Et il m'a écrit. Il n'avait pas écrit mon passé, je n'étais pas venu même pour causer avec lui. Oui. Il m'a écrit, courage frère. Quand j'ai vu, j'étais assis sur le matelas, quand j'ai vu courage frère, je me suis levé, je suis sorti. Et je suis revenu, il a dit maintenant, bonjour frère, mais pourquoi tu me dis courage? Et c'est là il m'a dit que le Saint-Esprit me dit que tu es en train de lutter contre les choses et dedans de toi et au dehors. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Et quand elle a dit ça, oui, effectivement, c'est vrai, c'est vrai. Quelques minutes après, les deux correspondants se sont connectés. Le Seigneur. Elles se sont connectées, j'ai commencé par une. La une d'abord, elle était, on posait par deux, je ne sais pas comment je vais expliquer. D'abord, elle posait avec un autre groupe. Oui. Et ce groupe-là, moi, j'ai pris le dessus sur eux. Oui. Il y a plusieurs groupes de Danakers. Oui. Et quand vous tombez souvent sur la même, la même personne, même personne. Voilà, avec les mêmes photos. Les mêmes photos. Wow. Là, ça dépend maintenant des compétences de chacun. Oui. Mais eux, j'étais avec elle bien avant moi. Oui, tu es venu les déclasser. Voilà. Donc, quand moi, je suis venu, j'ai fait en sorte qu'elle ne parle plus avec eux. Oui. Donc, l'argent, ça, à chaque fois, c'est. C'est chez toi que ça arrivait. Elle envoyait. Oui. Et ce jour, après, je me suis connecté. Elle dit, mais oui, elle t'attendait. Elle me dit que, au fait, le premier groupe, à la veille, ils ont mis leurs caméras, ils se sont montrés comme noirs. Oui. Donc vraiment, elle ne veut plus causer. Donc vraiment, elle s'excuse pour tous les doutes qu'elle avait sur moi. Vraiment, elle s'excuse, elle s'excuse. Et quoi, donc, c'était toi qui étais le bien. Mais sachant pas que tu te prépares à lui dire aussi. Donc, sur la base, c'est vraiment que, sur le champ de la main, elle m'a dit que vraiment, elle s'excuse. N'importe quelle somme que je demandais, elle me donnait. Oui. Parce qu'avant, elle me donnait, mais elle avait des doutes. Mais maintenant, elle a su que les autres, c'est des noirs. Mm-hmm. Donc moi, vraiment, il n'y a pas de problème. Quand elle a dit ça, mon cœur encore, je ne pouvais plus. J'ai laissé le trajet, je me suis levé, ça allait marcher un peu. Quand je suis assis, j'ai dit en réalité, non. Voilà, moi, je suis faux. Au début, elle ne croyait pas. Oui. Je ne croyais pas, et toi, de mettre ma caméra pour voir. Oui. Elle s'est documentée. Oui. La deuxième s'est connectée à elle aussi, elle lui a dit même chose. Elle aussi ne m'a pas cru, elle-même ne m'a pas cru carrément, mais elle m'a dit qu'un noir, ne peut pas s'exprimer comme ça, un noir ne peut pas faire telle chose. Oui. Là encore, il est obligé de mettre ma caméra en direct. Voilà. Je dis voilà, c'est moi qui ai fait tout ça là, vraiment, il m'excuse. Ce n'est pas parce que je prends plaisir à te dire ces choses-là. Vraiment, c'est le Seigneur qui me demande de te dire pardon. Oui. Il y a une. Elle ne s'est plus jamais connectée, mais l'autre, elle m'a pardonné jusqu'à présent en cause en tant qu'ami. Oui. Elle sait que c'est moi. Elle est là aussi. Elle est où cette celle-là? Elle est où? Elle est en Europe? Oui, elle est en France. Mm-hmm. Elle est en France, en Europe. Et toi, si tu lui as demandé pardon de la même façon, des excuses. Oui. Quelle était sa réaction, celle-là, avec qui tu continues? Au début, ça lui a fait mal parce qu'elle aimait vraiment la photo que j'avais mise. Oui. Elle aimait la personne. Oui. Donc, ça lui a fait mal, mais. Elle m'a pardonné parce qu'elle s'est dit que c'était déjà fort. Oui. C'était déjà fort de mettre la caméra. Oui. Mais elle m'a demandé, mais si tu te montres, tu sais que je peux te dénoncer. Je lui ai dit oui. J'ai réfléchi à tout ça avant de venir faire ça. Oui. Que tu peux me dénoncer, c'est ce que je mérite. Mais me tiens vraiment à te demander pardon. Oui. Et elle a dit qu'il y avait vraiment du courage de mettre ma caméra Je lui ai dit, il avait donné mon vrai nom, oui. Une vraie adresse, tout ça, il avait dit ça. Là, tu t'en foutais que même si on te prenait, il n'y a pas de problème. Non, mais maintenant, c'est quand je viens de me prendre pour partir, parce oui. Que il n'avait pas peur. Oui. Il n'avait plus peur de quelque chose. Il me dit que si je fais la prison, c'est ce que je mérite. Oui. Il n'y a pas de problème à ça. Mm-hmm. Et par exemple, tu faisais ça, qu'est-ce que ta femme te disait? Quel est le conseil de venir? Elle dit qu'il ne faut pas faire, mais laisse ici. Non, elle, quand elle lui a dit que, en tout cas, il va me montrer, il va lui dire que c'était du faux, elle ne voulait pas. Mm-hmm. Elle ne voulait pas. Elle a dit non, tu as déjà arrêté, tu n'as pas besoin d'aller dire encore que c'est toi, tu mets ta caméra, c'est bon. Elle a dit non, il parle, que non, mais il va lui dire. Parce que si elle ne dit pas, quelqu'un d'autre peut prendre ma boîte et continuer. Mm-hmm. Quelqu'un d'autre prend mon adresse et continue. Oui. Au moment, il va leur dire la vérité. Oui. Puis c'est comme ça, il va leur dire la vérité. Et là, maintenant, vous continuez maintenant. Là, mais c'est cause comme ami. Que Dieu te bénisse. Et donc, à l'issue de ça, tu étais en paix. Totalement en paix. Oui. Totalement en paix. Et par rapport au Seigneur, comment tu as fait maintenant pour le travail? Comment tu fais maintenant pour vous vivre? Donc, les mois qui ont suivi, c'était vraiment dur. Oui. Mais il m'attendait à ça. Oui. Parce que le plus souvent, quand il partait chercher travail, on me dit de venir à 6h, 6h quand il vient, on me fait balayer. Oui. Il balaye. Oui. Et quand il est fini, on ne me prend pas encore. Oui. Mais le sang, si il arrive à le lit, il a dit, mais cela, si ce n'est pas le Seigneur, et moi, c'est où on s'assoit et puis vous me faites balayer. Donc en fait, c'est pas le Seigneur. Si c'est pas le Seigneur, quand même, tu attends fin du mois pour avoir peut-être 200, 300 000. Alors que moi, j'ai ça en quelques heures, quelques minutes. Mais tu étais emprisonné par le Seigneur. Voilà. Mm-hmm. Il m'en voit souvent, on ne me prend pas. Souvent, le travail, une fois le travail, il a vu que ma vie maintenant commençait à partir de ce jour-là. Oui. Le travail, quand je voulais. Ouvre ma bouche pour parler, et quand je fais comme ça, la sueur est rentrée. Oui, j'ai bu ma sueur. Oui. Quand j'ai bu, ça m'a étonné. Je dis, hein, c'est comme ça la vie est dure. Quand j'ai fini de travailler, elle m'a donné 3 000. Oui. 3 000 francs, c'est 3 000 francs. Mm-hmm. J'ai pris aussi l'entrée, ça le soir. Quand tu as l'entrée, ta femme qui avait souvent les 200 000, 300 000, qu'est-ce que tu as donné? Je lui ai montré, voilà mon salaire. Oui. On a payé. Là, tu étais content de cette chose. On a payé poisson à braise. C'était tellement doux. Oui. Voilà. On lui a dit, on n'a qu'à bien manger ce soir. Là, tu as mangé à la sueur de ton. De mon front. Juste là, tu as goûté la sueur. Comment la sueur est salée. J'ai bu ma sueur. Ça m'a étonné ce jour-là. Oui. Tu n'as jamais eu ça. Jamais. Mais juste une rétro. Je vais vous envoyer un peu en arrière. Oui. Je me rappelle. Que le frère à Le Pougon m'avait dit que il m'avait parlé d'un frère qui était boucher qui avait arrêté mais il demandait des conseils oui. Si est-ce qu'il pouvait poursuivre ce boulot enfin oui dans ce sens s'il pouvait continuer est-ce que c'est de toi qui parlait non il pense pas à toi parce que bien avant que il commence à fréquenter le frère Olivier, il avait déjà arrêté. Parce que lui, il n'est pas en train de parler de l'année quand j'étais ici. Non, c'est l'année dernière. Non, l'année dernière, il avait déjà arrêté. On passe dans 3 ans maintenant que... Donc ça veut dire que c'est un autre... Non, c'est une autre personne. Il y a quelque chose qui me pose un problème. Pas problème de blocage. Je veux comprendre et que ceux qui nous écoutent comprennent. Personne ne t'a prêché, personne n'est derrière toi pour te dire ne fais pas ça, ne fais pas ça. C'est une voix que tu écoutes dans un enseignement. Qu'est-ce qui te pousse à obéir? Tu n'es pas obligé d'obéir. Qu'est-ce qui vous pousse à marcher jusqu'à ce qu'au point où le frère Julien, nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire, en dehors de maintenant là. Mm-hmm. Nous ne sommes pas là, je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir marcher comme cette voix-là dit? C'est le Saint-Esprit, hein? C'est Dieu. Cette voix là, c'est la voix de Dieu qui nous a parlé. Tu écoutes ton cœur, fait boum boum boum boum boum. Ça bat fort même. Ça bat fort même. En fait, moi, il y a des enseignements, quand j'ai écouté, j'étais partagé. Oui. Non seulement, j'étais content d'avoir aussi la vérité. Oui. Et d'un autre côté, je regrettais un peu d'avoir écouté parce que je disais que. Il a déjà écouté cette vérité-là. Donc, s'il le fait comme autre chose, oui. Aussi déjà qu'on ne peut plus dire qu'il n'est pas écouté. Oui. Il ne peut plus dire qu'il n'est pas écouté. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas encore revenir voler, oui. Sachant que ce n'est pas bon. Oui. Donc, ici, donc déjà, ta conscience était déjà ouverte. Voilà. Mmh. Il était déjà condamné. Mmh. Il était déjà condamné. Et ça, ça commençait par attention que Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. Et quand elle, souvent, je venais lui parler de ce qui se passait dans son église et qu'elle ne comprenait pas, il était fâché. Oui. Il était fâché. Parce que tu voyais la gravité de voilà, la chose. Oui. Voilà. Je lui disais clairement que nous, là, c'est un faux pasteur. Oui. Je lui disais, il n'avait plus peur. Parce que nous, on avait dit, il ne fréquentait plus là-bas. Oui. Il ne fréquentait plus là-bas. Mais lui, mais elle apparaît à tout le temps. Quand tu partais, tu chantais encore Jéhovah est son nom. Tu chantais toujours ça. Oui, il chantait toujours. Une fois, d'une fois, elle voulait chanter à la maison. Il a dit, on ne chante pas ça chez moi ici. Et ça ne tenait pas de chanter à l'église. Elle voulait chanter, elle dit, on ne chante pas ça. Une fois, elle lui a dit, tu sais, de la mettre chez moi, tu habites ici en ensemble. Je peux te t'aider oui. de mettre tes pieds là-bas. Oui. Mais je ne fais pas ça. Oui. Parce que de la même manière, elle veut la vérité. Personne ne m'a forcé. Je veux que ce soit le cas pour toi. Oui. Mais je suis sûr d'une chose. Le jour où tombe, le Seigneur va te convaincre là. C'est oui. toi qui as commencé à me dénoncer certaines choses. Oui. Entends, il y avait des choses, on se connaissait. Il ne m'a jamais dit. Oui. Mais elle cachait. Elle cachait. Raconte. C'est à propos du même pasteur. Oui. Voilà. Quand je lui disais. Ton pasteur c'est un fou, oui. c'est un fou. La mère était pas qui ne coupe pas. Mais je suis que le Seigneur, le jour le Seigneur va te faire comprendre. Toi-même là, tu as commencé à dénoncer. Oui. C'est comme ça un jour. Totalement tu as prophétisé. Un jour, elle m'a appelé pour me dire qu'en réalité, c'est vrai que avant, elle habitait. Le pasteur, il y a un pasteur qui est venu prier et lui a dit qu'il y a une grâce dans sa vie. Oui. Et pour que la grâce s'accomplisse, il fallait qu'elle habite, elle aille habiter chez le pasteur. Le pasteur principal. Le pasteur principal. Mmh. Mmh. Et le pasteur qui est professeur, c'est quelqu'un qu'on a invité. Quelqu'un qui est voilà, oui. invité. Et quand elle allait habiter chez le pasteur. Association des malfaiteurs. Elle me racontait maintenant que là-bas, le pasteur a commencé à la draguer. Dans la maison avec sa femme. Malgré que sa femme est là, le pasteur a commencé à la draguer. En lui disant quoi? Il faut qu'il lui fasse un bain. Mmh. Un bain à l'hôtel. Oui. Que pendant ce bain-là, tout peut se passer. Mais si ça se passe, elle n'a pas péché. Oui. Si c'est lui qui fait l'action, s'ils ont eu à avoir rapport, oui. elle n'a pas péché. Oui. Mais c'est si elle a attiré, elle a dragué, oui. si la faute vient d'elle, là le Seigneur va la condamner. Mais si c'est lui qui vient. Laisse-toi faire. Voilà. Mmh. Si c'est lui qui vient. Il n'y a pas de problème, le Seigneur va la bénir et vous m'aidez à faire un bain. Et quand elle m'a dit ça, il n'était plus dans mon aspect. Le pasteur là savait que c'était ta femme. Bien avant de. Oui, avec ce le bon le bain là. Oui, c'est pour le bain. C'était avant que même. C'était avant que même on se raconte. C'était cette histoire, ça se passait avant que même. C'est là où vous êtes ensemble, là qu'elle te raconte. Elle me raconte. Voilà. Okay. Elle me raconte ça. Et il lui a demandé, mais attends, quand tu te dis ça, là, tout ce qui se passe là, ça ne t'a pas fait, il n'y a pas quelque chose qui a senti un peu dans ta tête pour faire comprendre que ça, là, ça ne vient pas. Elle dit non. Que mais comme c'est un mot de Dieu, on ne juge pas les hommes de Dieu. Voilà. C'est vrai qu'il est pasteur, mais derrière ça, il y a ces choses qu'il peut faire. Quand elle m'a dit ça, je voulais sortir me croiser sur ton en même temps. Je voulais parce qu'il lui a dit clairement que ah, si tu avais fait cet acte-là, c'est vrai qu'il n'était pas là. Mais si tu avais fait ça, ça n'est pas le cas. Mais qu'est-ce qu'il ne fasse pas qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'étiez plus allé à l'hôtel pour le bain? Le bain de bénédiction quoi. Maman mais il ne voulait pas parce qu'il savait que ça ne venait pas de Dieu. Oui. Ça ne venait pas de Dieu. Tu l'appelles homme de Dieu qui parle avec Dieu comment? Bon c'est ça aussi que l'ignorance des chrétiens. Mmh. On a toujours tendance à dire que les hommes de Dieu, bon, ils sont toujours contents. Les hommes sont le Dieu. Voilà, ils sont contents avec Dieu. Donc tout ce qu'ils disent là, c'est Dieu, c'est ça. Mais en tout cas, moi je savais que vraiment ça ne pouvait pas venir de Dieu. Mmh. Parce qu'il a dit que. Le Seigneur lui a dit que moi je dois faire un bain. Puisque chez nous, dans notre famille, il n'avait pas encore eu de mariage. Oui. La vie est un peu dure, difficile oui. chez nous. Oui. Donc, moi je suis la dernière des filles. Oui. J'avais pour quel exemple que je suis Joseph de la famille. Le Joseph de la famille. Voilà, c'est par moi que Dieu doit passer pour changer la vie de mes soeurs à partir de moi. Donc je dois faire ce bain. Il dit, ok, le bain se passe comment? Oui. Donc c'est comme ça qu'il m'a expliqué. Il m'a dit qu'il doit me raser ici, ici, ici, qu'il va me pommader, tout ça. Je donc dois... il dit qu'il va te raser les aisselles. Des aisselles. Avec le pubis. Oui, oui. Et puis je dois acheter un nouveau seau, un nouveau caleçon, soutien. Il y a des trucs qu'il a cité. Il dit, ah, que moi j'ai pas l'argent. Non, c'est pas un problème. Moi, je vais payer. Je sais que Dieu va te bénir plus tard. Tu vas rembourser. Je dis non, que ça, moi ça me convient pas. Si vraiment c'est ce que Dieu t'a dit, oui. Dis à ta femme, comment elle est femme là, oui. Elle va me faire le bain. Elle a dit qu'elle-même elle est pasteur. Ce que ne lui a pas révélé, oui. C'est que c'est lui qui doit me faire. Que moi on voit se situe à quel niveau. Que quand on va à l'hôpital, on croise le docteur homme, je dis oui. Souvent, il y a des sages femmes hommes, oui. des sages hommes qui te touchent, je lui dis, mais pourquoi là tu ne refuses pas? Oui. Et puis c'est devant moi, il dit, mais toi tu es pasteur, moi c'est un peu gênant. Il dit, moi c'est pas gênant. Que les docteurs peuvent traiter seulement le physique, mais nous pasteurs là, on traite physique, on traite spirituel, on traite l'âme. Voilà, nous on traite les trois côtés. Oui. Donc c'est possible, oui. Franchement devant Dieu, moi j'essaie ici, ouais, ouais. Voilà. Il a été, ouais, ouais, mais ça c'est mon Dieu le passé. Moi il a fait pour moi là-dehors, oui. Au dehors là-bas, je ne peux pas. Donc lui étant là-dessus, il insistait, oui. Il insistait, j'ai jamais voulu, je n'ai jamais accepté, c'était ce qui était entre lui ou moi. Oui. Jusqu'à ce qu'il y avait juste même, il n'était pas à l'aise même d'aller à l'église, parce qu'il y avait trop de pression. Oui. Tu dois faire le bain, tu dois faire le bain, si tu veux que vous mariez chez vous, il faut le faire. Si tu fais pas, il n'y aura pas de mariage chez vous. Oui. C'est pour t'aider que je veux faire ça. Bon, finalement, vous êtes marié avec ton mari ici, mais est-ce que tu as fait le bain alors? J'ai pas fait de bain. Donc Dieu a changé d'avis alors? Oui, Dieu a changé d'avis. Ton grand frère aussi s'est marié même, je n'ai pas fait de bain. Voilà. J'ai refusé tout ça. Mmh. Donc on était trop en contact. Mmh. C'est comme ça, un matin à 6h, lui, il connaît ma date de naissance. Oui, il connaît ma... C'est quelqu'un qui est beaucoup proche de notre famille. Mmh. Puisque depuis petite, c'est là-bas, moi, je vais, quand j'ai grandi. Mmh. Voilà. C'est là-bas, je vais. Oui. Tu es petit, tu as mûri, mais n'avais mangé à ma. Mmh. C'est là-bas, je vais, quand j'ai grandi. Donc, il me connaît, il connaît toute la famille. Donc, il connaît ma date d'anniversaire. Chaque année, il m'appelle. Mmh. Donc, ça me surprend qu'un matin, il m'appelle à 6h. Bonjour ma fille, il dit, ah bonjour papa, il dit ça va, je dis oui. Il dit hier pendant qu'il priait pour moi, le Seigneur lui a dit que je dois faire mon bain, que c'est le dernier délai qu'elle a de tout faire pour faire le bain. Parce que si je ne fais pas. À quel âge, l'anniversaire de quel âge? C'est quelle année on est? Ça peut faire 3 ans. Oui. 3 ans comme ça. Mmh. Que le Seigneur dit je dois tout faire. Donc, ça de faire. Comme ça. Je dois faire mon bain avant mon anniversaire. Mais lui il a dit au Seigneur que ah ma fille là. Ça va, l'anniversaire est passé. J'ai dit, oh, papa, c'est passé comment? Toi, tu connais ma donne anniversaire, c'est pas encore passé. Mm-hmm. C'était une manière de m'avoir. Oui. Parce que moi, je savais que ta main qui fonctionnait, c'était pas clair. Oui. Tu connais ma date d'anniversaire. Maintenant, tu viens me dire que Dieu t'a dit de faire l'anniversaire. Donc, quand tu as dit à Dieu que non, anniversaire est passé. Donc, c'est pas encore passé. Tu sais que c'est pas encore passé. Il s'est dit, non, papa, non, tu sais que c'est pas encore passé. C'est même pas encore passé. C'est juste qu'en septembre. Il dit, ah, c'est que le Saint-Esprit est puissant, hein, parce qu'il a dit que c'est pas encore arrivé. C'est moi qui ai dit non, que ma fille a déjà fêté ça. Il dit, mon temps me disait qu'elle n'est pas encore fêtée. C'est juste en septembre là-bas que j'ai compris, je vais voir. Mmh. Je n'ai jamais accepté. Ah, de temps, tu partais toujours à l'église, tu chantais. Je partais toujours à l'église, je chantais. Mais une autre chose bizarre que je vais expliquer, avant que tout ça n'arrive, sa femme déjà avait mûri une idée que moi je sortais avec son mari. Je ne sais pas d'où c'est sorti. En tout cas, je ne sais pas. Peut-être que c'est lui sa manière de faire qu'elle regardait. En tout cas, moi je ne sais pas. Parce qu'il s'approchait trop de toi. Voilà. Donc ça a créé les choses dans l'église. Il y a eu division. Il y a eu division. Ils se sont rendus, sa femme a quitté l'église. Ceux qui ont cru que lui au moins sortait ensemble, ils ont suivi sa femme. Ils sont partis. Et comme sa femme aussi, pasteur, elle a amené d'autres fidèles. Oui, ils sont partis. Et mais elle n'a pas fait d'église. Oui. Mais avant ça, ils ont invité un homme de Dieu. Oui. Quand on a fini de régler le problème avec sa femme, ils ont invité un homme de Dieu. Il m'a dit de me lever, je me suis levé. Il lui a demandé à elle de se lever, elle s'est levée. Il m'a posé la question à savoir si je le connais. J'ai dit oui. Il m'a demandé si on a déjà causé. J'ai dit non. Il a posé la même question à sa femme. Elle a dit non. Il dit ok, ma fille. Le Seigneur me dit de te dire que la maman que tu vois là, quand elle te voit, son cœur saigne. Elle pleure. Elle a mal. Parce que ce que tu lui as fait là, ça fait tellement mal que le Seigneur me dit de te dire de te coucher pour qu'elle mal sur toi. Ça, c'était pendant la prophétie. Il dit, ah, papa, je ne comprends pas. Ce que moi, je sais, ça, je n'ai pas dit. Hein. Oui. Elle a dit, je suis avec son mari. Oui. C'est ce qu'il y a dans l'église, les murmures. Maintenant, toi, tu dis, le Seigneur dit, ce que moi, j'ai fait, ça fait mal. Oui. Je lui ai demandé pardon. Il dit, non, que je te suis pas homme de Dieu. Tu l'as dit ça? Juste si je lui ai dit ça. Oui. Comme c'était en plein culte, oui. Ma grand-sœur, parce que c'est un homme, quand il vient, on invite les gens. Dans ma grand-sœur, dans le peuple, elle m'a fait homme, signe. C'est toi qui encore, tu l'appelles encore homme de Dieu. Mais on est habitué à ça, c'est pas comme on va dire encore. Un homme d'église, voilà. L'homme de Dieu est différent, l'homme de Dieu ne manque pas. Ok, un homme d'église. L'église peut mentir. Mm-hmm. Un homme d'église. Non, comme ça, ma grand-sœur m'a fait signe de me taire, puis je me suis tue. Mm-hmm. Quand le culte est fini, Tu n'as pas fait ce qu'il a dit. Je n'ai pas fait. Oui. Je n'ai pas fait. C'était fort là. Et puis, moi-même, je me suis dit que sans doute, elle est allée le voir. Puisque c'est quelqu'un qui donne des révélations. En tout cas, avant que ça n'arrive, oui. Tout ce qu'on invite là, quand il parle de quelque chose, c'est ça. Oui. On applaudit. Jésus est fort, Jésus est fort. Donc, quand il a dit pour moi là, tout le monde a cru en même temps. Non, les gens ont cru. En fait, puisque elle a dit, voilà. Oui. Donc, les gens ont cru. Ils ont dit, ah, donc c'est lui là, c'est un menteur. Attends. En tout cas, le pasteur lui-même là était assis là-bas. Donc, ça veut dire que les deux même là. Le pasteur sort avec toi et le pasteur ne sort pas avec toi. Mm-hmm. Et lui-même il est assis là. Il est assis là. Donc, ça veut dire que les deux même après là, oui. Devenu bizarre entre eux. Donc, quand le culte est fini, je me suis approché de lui pour lui dire, ah papa, moi je veux te voir. Oui. Parce que ce que tu viens de dire là, sincèrement, ça ne vient pas de Dieu. Oui. Il dit encore, si je lui ai dit ça, il dit encore, il dit non, parce que elle dit oui. Que son mari est mort son sang. Oui. Maintenant, le Saint-Esprit dit, ce que moi j'ai fait là, ça fait mal de me coucher. Pour qu'elle marche sur moi là, moi je comprends pas. Oui. Il dit lui, il sait pas ce qui se passe, oui. Mais c'est ce que le Seigneur lui a dit. Comme c'est une histoire comme ça, c'est un dimanche. Il va venir vendredi, oui. Me croiser, moi, le pasteur, sa femme. On va régler ça jusqu'à aujourd'hui. Oui. Il n'est pas venu donc voilà. Donc depuis lors, c'est fini. Le rumeur dans l'église, oui. Ah, elle soit le pasteur, elle soit le pasteur. Mais moi, je sais que je suis père lui. Donc j'étais dans mon coin tranquille, quoi. Oui. Je n'ai pas eu peur pour dire je vais quitter l'église. Je suis resté. Oui. Je suis resté dans une vie, moi je continue, je chantais toujours. Chanter, les gens se lèvent, ils chantent. Après ça, même elle est partie. Oui. Parce qu'après ça, ils vivent plus ensemble. Oui. Après ça, elle est partie, elle a quitté l'église, et ses enfants sont partis. Donc, ceux qui ont cru l'ont suivi, ceux qui n'ont pas cru sont restés. Oui. Donc, c'est comme ça, on continuait à prier là-bas, jusqu'à ce qu'un jour, je causais avec une de mes soeurs en Christ qui chante aussi. Mm-hmm. On causait par message. Parce qu'il y a une de nos sœurs en Christ aussi qui chante, mmh. Qui m'a fait savoir que quand il regarde le pasteur avec une de nos chantes là, c'est un peu bizarre. Il dit que moi, en tout cas, j'ai pas remarqué. Elle m'a dit, faut remarquer. Regarde, tu as vu que les deux là, c'est pas clair. Il dit, bon, d'accord. Comme elle est... quand vous chantez, vous les suivez à deux. Comme elle est beaucoup proche de l'autre, oui. Comment je compte avec lui, je vais lui demander. C'est comme ça, elle m'a commencé à causer. Puis je lui ai dit, ah, je vais te demander quelque chose. Je lui ai dit, vas-y. Puis je lui ai dit, mais je remarque un peu la soeur proche du pasteur. Elle a dit, ah, que moi-même là, je remarque ça. Oui. Mais je suis sûre qu'il y a ça en eux. Parce que quand on l'appelle, elle met bébé, mais bébé là, c'est le numéro du pasteur qui sort. Que moi-même, je lui ai dit, elle n'a qu'à arrêter. Même écoute pas. Souvent, on s'en va dans le rendez-vous. Oui. Elle dit que son camarade vient, camarade là, c'est lui. Il dit, ah, tu es sûr, c'est moi qui t'ai dit. C'est moi qui t'ai dit. Quel est mon cause? Maintenant, dans la cause, elle a dit, elle m'a demandé quelque chose. Je lui ai dit, ok. Elle dit, non, mais que moi, je lui ai posé la question là. Elle se plaignait de la soeur. Oui. C'est ça, tellement tu te plains de moi là. Même Stéphanie là. Oui. Le pasteur même a dit qu'il est sorti avec elle. Donc finalement, le pasteur sort avec chaque fois de la couleur. Mm-hmm. Mais toi, tu étais la seule avec qui il avait fait tout, il n'a pas pu. N'a pas pu. Maintenant, elle a dit, oui. À la soeur que tu te plains de moi là. Oui. C'est même qu'elle a là. Il elle dit qu'il est sorti. Lui, le pasteur même lui a dit qu'il est sorti avec moi. Oui. Elle dit, tu es sûr. Elle dit, si, que le pasteur m'a dit ça. Voilà. Qu'il est sorti avec moi, que je suis forte au lit, il s'est fait l'amour jusqu'à ce qu'il m'a donné ce nom. Oui. Quand elle m'a dit ça, je tremblais sur moi. A dit à celle-là qu'elle a sorti aussi, qu'elle a sorti avec toi. Mm-hmm. Il a menti à la fille. À la fille, pour pouvoir se faire sortir. Pour vous dire, vous tous ensemble. Mm-hmm. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'était une manière pour lui de elle la voir. Oui. C'est ce qu'il a fait. Donc, quand elle m'a dit ça, j'ai dit moi. Oui. Moi. Oui. C'est pas moi, c'est impossible. Oui. Parce que c'est même pas mon genre d'homme même. Oui. C'est impossible, moi là. Oui. Les garçons qui fument là, oui. On est dans les bails, pas de bout d'oreille, c'est ça mon chant. Voilà, ouais. C'est ça qui est mon chant. Les Américains. Uh-huh, mais lui là, c'est pas ça. Il était tellement énervé que je l'ai appelé directement. Oui. Dans ma colère, j'ai expliqué cette histoire de bain là. Oui. Que voici la proposition que lui m'a fait. Je savais que c'était pour coucher avec moi qui disait ça. Je n'ai jamais accepté. Voilà. Je n'ai jamais dit à ma camarade, à ma soeur là, je l'ai appelé. Ah. Pour lui dire ça. Elle dit, ah bon, je dis si. Elle m'a dépassé comme ça. J'ai appelé mon grand frère. Oui. Pour lui expliquer, dis-lui dans la mission. Il va venir. C'est en septembre même. Quelle année de septembre là? Qui va venir en septembre le 20? Oui. J'ai appelé le président de la jeunesse. Je lui ai expliqué parce que j'étais tellement énervée. Je dis cette histoire, je ne laisse pas. Parce que voilà, sa femme a dit, oui. Prophète est venu, il dit, maintenant, toi même encore, tu dis, c'est moi maintenant qui mens. Oui. On m'a accusé, c'est lui-même, il dit l'affaire. Oui. C'est que dans tout ça, maintenant, moi, je suis où ça? Oui. Cette histoire, je ne laisse pas. Donc, quand j'ai dit à mon frère, il m'a dit de me calmer, oui. Il va venir à Abidjan, on va régler ça. Donc, je suis que mon grand frère. Non. On était déjà ensemble. Ok. Et ta mère t'avait un peu dit de ne plus partir. Lui, imagine plus partir. Moi, il écoutait. Papa, c'est peut-être tellement habitué. Il ne peut pas laisser comme ça. Il va partir à l'église. Que rester à la maison, là, c'est pas possible. Que c'est l'église. Maison de Dieu, là, c'est à l'église. On dit sabbat, là, c'est dimanche. Toi, tu restes à la maison pour faire quoi? Il dit, ok, donc continue. Donc, lui, il ne partait plus. Oui. En tout cas, lui, il ne partait plus. Mais moi, il ne m'occupe pas. Moi, le dimanche, il m'en va, il chante. Et pour mon Dieu, je viens à la maison. Il a dit, cette histoire-là arrive. Oui. Donc, quand mon grand frère arrivait à Abidjan, nous sommes allés voir le pasteur après le culte un mardi. Oui. Et puis il a appelé le pasteur pour lui dire, ah voici, j'étais en voyage, ma soeur m'a appelé, tout en colère, pour m'expliquer une histoire. Il lui a dit de se calmer si je viens. Oui. Donc comme je suis venu maintenant, je vais l'appeler, on va s'asseoir, il dit ok, elle aura venu. Puis je suis venu m'asseoir, il dit ok. J'étais en train de poser avec la chante. Oui. Maintenant c'est elle qui m'a dit, que le chant lui a dit que toi tu dis, on sort ensemble. Que je sais faire l'amour, je suis fort, tout ça là. Donc moi, je n'ai pas compris. Je suis venu pour que tu m'expliques où tu m'as vu, puis tu m'as déshabillé pour me faire l'amour là. Tu vas dire. Parce que ta femme m'a accusé. Oui. Le prophète est venu dire que Dieu dit de demander pardon à ta femme. Maintenant, toi-même encore, tu viens dire que tu as fait là. Tu vas m'expliquer. Oui. Il s'est levé. Oui. Tu n'as jamais dit ça. Saint-Esprit, tu as dit. Oui. Pourquoi j'ai cru qu'il a dit? Parce que moi, je me confie à lui. Oui. C'est mon papa. Il y a des choses que je lui ai dit. Oui. Même par rapport à la grossesse, tout ça, les avortements que j'ai fait, les hommes que j'ai connus. Oui. Puis c'est où on était, il y a un monsieur avec qui je sortais. Elle est la seule personne oui. qui savait. Oui. Tout ça est sorti. Oui. La soeur est sortie à l'autre soeur. Donc elle m'a dit, elle dit maintenant, et le monsieur là. Oui. Et la grossesse là. Comment c'est sorti? Comment c'est sorti? Oui. C'est sorti comment? C'est toi qui as dit. C'est à toi, c'est moi, il me confie. Oui. C'est toi, tu connais ma vie, tu sais comment moi je vis, je ne te cache rien, tu sais. Donc ce que tu as dit, c'est parce que tu es un menteur. Je lui ai dit ça, oui, je lui ai dit oui. Parce que j'étais en colère, tu es un menteur, tu es un faux pasteur. Si tu ne te réponds pas, tu vas mourir. Parce que tu sais que tu n'as jamais couché avec moi, puis tu ne peux jamais, jamais. Oui. Tu as essayé, mais tu n'as pas pu. Donc on ne va pas venir raconter des conneries, j'étais énervé. Oui. Donc lui aussi s'est levé, tremblait. Mais la main que je parlais, il ne m'a jamais connu comme ça. Oui. Parce que avant, papa, voilà, papa, voilà. Donc, papa. Non, papa l'est fini. Trop. Oui. Papa l'est fini très tôt. Oui. Donc, j'étais énervé, j'ai commencé à parler. Il disait, Saint-Esprit, il y a pas Saint-Esprit ici. Hein. Il y a pas Saint-Esprit ici. Oui. Il s'est levé. Oui. Le président de la jeunesse dit, n'a pas venu s'asseoir. Oui. Qu'elle bouge pas, n'a pas venu s'asseoir. Le président, il vient t'asseoir parce que il y avait trop de murmures. Par rapport à sa vie, puis les femmes de l'église, oui. Il y avait trop de choses que les gens disaient. Oui. Il fait ça, voilà. Donc c'était trop. Mais moi, mon cas là, était différent. Oui. Puisque mon grand frère savait que ça, il ne pouvait pas faire. Il savait que je ne pouvais pas faire. Moi, mais il ne pouvait pas faire ce genre de trucs là. Oui. Donc ils ont cru, on m'a dit, oh, lui, va s'asseoir. Oui. La soeur qui a dit, le tout pendant qu'on l'a appelé, du nom qu'elle n'a rien à voir, qu'elle n'a qu'à partir. On dit, non, qu'elle ne va pas s'asseoir, il a chassé la soeur. Lui, il faut pas qu'elle vienne, puis elle s'est retournée. Oui. Donc lui s'est levé, il a fait comme s'il partait pisser. Oui. On était assis, il n'est plus venu. On l'a attendu jusqu'à 22h. Il a disparu. Il n'est plus revenu. Oui. Donc c'est comme ça, on a attendu, il n'est pas venu. Après, il a donné au rendez-vous jeudi. Oui. Jeudi, il a fermé ses deux téléphones. Oui. Il n'est plus venu. Moi, j'ai arrêté de partir là-bas. Quand on est parlé, le trouver l'autre jour, le culte. Tu sais qu'il prêchait, vous allez voir, il va fuir. Moi, mais il n'est plus mis pied là-bas. Je n'ai plus mis pied là-bas. Mais mon grand frère a dit qu'il espère qu'il faudrait qu'on reste cette histoire pour qu'on voie dedans. Oui. Parce que c'est trop facile. Oui. pour que ça reste comme ça. Oui. Donc souvent on nous convoque, les anciens, parce qu'ils m'ont convoqué, moi j'ai expliqué, j'ai dit, explique tout ce qui s'est passé par rapport au bain, j'ai tout expliqué, parce que moi je voulais que tout le monde apprenne même ce qu'il est, parce que tout était trop. Il y a des gens qui ne croyaient pas. Ah bon, ben. Je dis lui, ben, c'est moi. Moi, il dit ben. Lui, moi, il dit ben. Oui. Il était assis, mais puis je lui ai dit, toi, tu dis, tu vas me faire ben. Dieu dit, tu vas me faire ben. Dans ben, là, si on sent ensemble, là, ça fait rien. Dès même là, si on sent ensemble, là, c'est une bénédiction pour moi. Oui. Ça va libérer ma famille. Mais c'est si moi, je viens te draguer, là, c'est une malédiction. Que souvent, un homme de Dieu peut être peut avoir envie. Oui. Peut avoir envie. La soeur qui va le satisfaire là, c'est une bénédiction pour cette soeur là. C'est terrible. Oui, je ne suis pas en train de mentir. Tu as dit ça devant lui comme ça? Non, c'est lui qui est en train de m'expliquer. Maintenant, c'est moi qui dis que je ne mens pas quoi. C'est lui qui est en train de me dire que c'est possible. Que souvent, il y a des soeurs qui ne font pas enfant. Puis il va aller avec un homme de Dieu. Voilà. Que c'est aussi une délivrance. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, que la Bible là, c'est les mystères. Ok, dis-moi, mystérieux, comment ça passerait, moi. Non, ça passait, moi. Donc, c'est comme ça, et puis... Vous êtes séparés, là. On s'est séparés, j'ai arrêté de partir. Quand tu es rentré à la maison, maintenant, tu as trouvé ton mari à la maison. Bon, il a dit c'est bien fait pour moi. Qui m'ont loupé? Ils m'ont loupé. Que c'est parce que je dis c'est mon nom qui est sorti. Ils ont menti. Si moi, maintenant, ils voient route pour venir à la maison, que de partir, ils ne veulent pas. Que je ne vais pas, je ne vais plus. Et maintenant, donc, maintenant, tu faisais comment? Puisqu'il fallait ne pas chanter. Tu faisais comment alors? Chanter là même est fini même. Je suis resté à la maison. Donc, c'est étant à la maison, maintenant, je me suis concentré sur les enseignements. Et aujourd'hui, c'est grâce à les enseignements là que ma vie a changé. Amen. Je suis libéré. Je suis libéré, totalement libéré. Vraiment. C'est comme ça. Les choses sont passées. Quelle histoire. Bon, et maintenant, avec ton mari, par rapport à la restitution, pourquoi tu l'empêchais, de dire à ces femmes-là que c'est mauvais? Non, moi, j'avais peur, je pense qu'il va faire prison. Moi, il parle d'aller lui donner manger en prison. Il dit, mais si on prend ça, je vais manger. Il dit, on ne veut pas partir de... Toi-même, tu as déjà dit, tu fais. Puis, il faut laisser, Dieu même sait que tu as déjà pris une décision qui est bonne. Donc, il faut laisser, que les gens déjà partis, dit la pardon. Il dit, sort, il ferme la porte. Il ne faut pas dire, moi, je suis dehors, pardon, il faut laisser. Il ne faut pas dire. Mais il s'est entêté. Comme Jésus est Seigneur, en tout cas, Dieu a fait, ces personnes à qui il allait se répondre n'ont pas créé de problème. Oui. En tout cas, ils ont dit que ça a été un courage même de sa part, venir dire que tout ce que j'ai fait là, c'est de la nague, c'est du vol, c'est pas facile. Donc, elles ont compris. Il y a une, je crois, qui a dit de rembourser, non? Il a dit, moi, je cherche travail à cause de ça. Il va rembourser, c'est combien de millions? Elle a dit, elle ne veut pas qu'il n'a rien à rembourser. Il dit, il n'a pas de problème. Que s'il a eu travail, il va rembourser. Les autres ont dit, il n'a rien à laisser. Il est content avec une cause bien. C'est comme ça on vit. Oui. Alors maintenant, je te pose la question. Le jour où il a traversé 3000 là, juste à venir donner, vous avez marché passant, braisé là-bas, passant à la braise là. Quelle était ta réaction quand il a mené ces 3000 là? Il m'a fait pitié. Tu as fait pitié. Tu as dit que ouais, mon mari est ancien millionnaire. Ancien millionnaire. Moi, souvent, même à présent, même il me moque de lui. Et souvent, il me dit, ah, le grand, tu n'as rien d'elle. Pendant 100 fois, même à ses dieux, il me moque de lui, il rit. Et ça, il dit, Dieu est Dieu. Il dit, ok, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. C'est que si on vit par la foi. Là, il faut le dire. Parce que ça a été le plan de Dieu. Moi, je me suis dit quoi? Je suis chrétienne. Moi, j'ai invité quelqu'un à l'église, s'est baptisé. Oui. Donc, elle a connu la vérité. Et par cette vérité-là, il m'a retiré. Oui. Il faisait un truc, il l'a arrêté. Moi, c'était aussi mon travail. Oui. Puisque c'est moi qui les servais. Oui. Donc, Dieu aussi est passé par là. Oui. Mon patron, il n'avait pas de problème. C'est parce que c'est à cause de moi. Dieu a fait les choses. Il a cette agence. Oui. Un coup comme ça, la banque a tout bloqué. Tout bloqué. Donc, comme ça, nous sommes restés. Donc, je me dis quoi? Que ça va, c'est Dieu. C'est Dieu qui a voulu que les choses soient comme ça. Lui, il est resté, je suis resté. Depuis, nous sommes à la maison, on ne travaille pas. Mais Jésus étant Seigneur, il a dit de se confier à lui. Il nous nourrit. On est là jusqu'à ce que le mois finisse. En tout cas, Dieu permet qu'on paye la maison. En tout cas, on n'a pas de problème. Alors, on n'a pas de problème. On va commencer par toi. Tu as travaillé dans la banque. Et avec le feedback, on va aller sur plusieurs volets. Tu as travaillé dans la banque, tu faisais certaines choses qui ne sont pas bien. Et tu te disais chrétien. Tu étais au niveau de l'église, entre guillemets, et tu faisais des choses qui n'étaient pas bien. Quel conseil peux-tu donner aux sœurs que tu écoutes maintenant? Celles qui travaillent, celles qui ne travaillent pas, celles qui chantent dans les chorales et autres, celles qui vivent à l'église. Quel est ce style de vie que tu menais? Quel est le conseil que tu donnes aux femmes qui vont t'écouter? Ok. Le conseil que je peux donner en tant que femme et puis surtout chrétienne, de dire à mes soeurs que la vie chrétienne, ce n'est pas d'aller à l'église les dimanches. C'est pas ça. Mais c'est de vivre une vie qui pleure à Dieu. Une vie qui pleure à Dieu. Parce que quand tu dis tu es chrétien, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Oui. Tu ne peux plus faire là, c'est pas possible. Parce qu'il faut dire qu'il y a une différence entre nous et le monde. Oui. Tu dis tu es chrétien, tu fais les choses du monde. Tu sors, tu voles. Oui. Ça là, c'est pas bon pour une chrétienne. Oui. Donc je conseille à mes soeurs, toutes celles qui sont chrétiennes, je dis qu'elles sont dans ce milieu-là, qu'elles arrêtent. C'est vrai que ce n'est pas facile. Mais le Dieu que nous servons là, il existe, il est vivant. Voyez-moi mon cas. Je travaillais. Je pouvais chercher à aller dans un autre coin encore. J'avais des propositions. Il y a d'autres de mes collègues qui ont continué. Mais moi, c'est à cause d'une vérité que j'ai arrêté. Donc, c'est pour dire quoi? Quand tu cherches le Seigneur, va jusqu'au bout, même quand c'est dur, même là. Dis-toi que tu es venu sur cette terre-là. Pas pour les choses physiques, pour les choses du monde, mais pour les choses célestes. C'est vrai, l'argent est bon. Mais ne regarde pas l'argent. Le salut de notre âme-là, c'est important. Le luxe, les hommes, les sorties, c'est éphémère. C'est pour t'épuiser, franchement, c'est pour t'épuiser. Donc, je leur conseille beaucoup de s'accrocher au Seigneur. Ce n'est pas impossible. Moi, je ne savais pas qu'aujourd'hui, là, je pouvais être comme ça. Franchement, je ne savais pas. Je n'ai jamais pensé à ça un instant. C'est une grâce de Dieu. Parce que quand j'ai commencé cette vie-là, même à la maison, mes soeurs se moquaient de moi. On m'appelait Alléluia. Que je suis devenue vieille, je suis devenue vilaine, je me fais plus chic. Que c'est quelle vie, ça, là? Quand je l'ai regardé, je ne savais pas ce que Dieu a fait dans moi, ma vie. Vous me voyez chic, vous m'avez vu chic, mais dans son embas, la souffrance que j'ai partie faire me promener dans les marquis, dans les hôtels. Moi, mais je viens, je suis fatiguée, mais forcément, je dois me lever pour partir. Dieu m'a retiré de là. Et puis, ce que je veux dire, même à l'église, même à celle qu'on aurait, dimanche, même à celle qu'on aurait. Parce qu'on va, non, c'est la vérité, on va à l'église, on se fatigue là-bas. Jésus, on prie, on chante, mais on vit pas une bonne vie. Aujourd'hui, je suis à la maison, dans la vie que je mène, je suis fière de ça, parce que je sais que je suis en train de plaire à Dieu. J'ai fait un grand pas, que étant à l'église, 1000 ans, il est passé pour chanter, crier là-bas, je pouvais pas faire ça. Non, c'était impossible. Je suis restée à la maison pendant combien de mois? La vie que je mène, là, je suis fière de ça. Mon téléphone sonne de partout. Ils vont m'appeler les anciens gars qui ont enterré là. Ils ressuscitent, mais je les enterre seulement. Je ne me suis jamais déplacée pour dire parti croiser un parce que c'est un peu du nom. Dieu m'a délivré de ça. En tout cas, je bénis le Seigneur pour ça. Et donc, à suivre mon exemple, ce n'est pas facile, mais avec le Seigneur, on peut tout. Amen. Oui, mon frère, toi également. Et tu as été l'un des principaux et tu as beaucoup d'expérience à partager à ceux qui sont sur Internet. Quels sont les dangers d'Internet d'abord en premier lieu? Les dangers pour les chrétiens et pour tous ceux qui sont à l'intérieur d'Internet. Quels sont les dangers d'Internet? Bon, pour le chrétien, principalement, je pense que Internet, il doit s'en éloigner. Soit s'en éloigner ou bien faire le maximum d'éviter beaucoup de choses. Oui. Parce que non seulement Internet, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Oui. Pour un peu de rien, il y a une image pornographique qui te présente. Oui. Pour un peu de rien, voilà, pour un peu de rien, il y a une image de clairvoyance qui te présente. Oui. Dès que tu acceptes, tu fais un lien, paf, tu tombes dans le panneau. Oui. Donc c'est quelque chose vraiment à éviter au maximum. Oui. Et je dirais que maintenant pour les jeunes, c'est quelque chose à éviter totalement. Oui. Parce que quand on y fait un peu, à coup sûr on s'accroche. Oui. Quand tu gagnes 10 francs, tu es content d'avoir 10 francs, tu veux avoir 25, 100 francs, et dans ça, ça monte à 100 000, ça va à des millions. Et quand tu commences à toucher les millions, tu es prêt à tout pour ne plus jamais perdre. Pour ne plus descendre là-bas. Non, tu es prêt à tout. Parce que le style de vie change. Voilà. Il y a des personnes qui te contactent, il y a la gloire des hommes quand tu donnes, il y a le respect quand tu donnes. Et ça, quand le Seigneur ne brise pas ça en toi, c'est impossible de s'en dégager. C'est impossible. Impossible. Et des anciens amis qui se trouvent là-dedans certainement vont tomber sur cette vidéo. Qu'est-ce que tu leur dis à tous ceux qui travaillent comme toi dans le monde entier, dans ce même style de travail que tu faisais? Quelles sont les choses que tu leur dis? Je dis tous les autres bouteurs. Oui. Bon, moi, je dis quoi? Il faudrait que le Seigneur les rencontre d'abord. Oui. Il faudrait que le Seigneur les rencontre d'abord parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'en défaire aussi facilement comme ça. Oui. La vie devient de plus en plus dure. Et non seulement il y a le broutage, mais en dehors du broutage, il y a encore d'autres jeux qui nous pousse à chercher de l'argent tous les jours. Mmh. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'auto. Mmh. Si c'est pas boutaille, c'est l'auto. Si c'est pas l'auto, c'est bête. Voilà. Tout un système pour avoir de l'argent facilement. Tout un système pour épuiser notre esprit à chercher comment avoir de l'argent facilement. Mmh. Donc, il est conseillé véritablement de chercher le Seigneur. Mmh. Quand ils auront trouvé le Seigneur, toutes ces choses-là. Moi, aujourd'hui, certaines personnes me regardent et ils sont un peu étonnés. Quand on me demande 100 francs, à peine si je dis je n'ai pas, ils ne vont pas me croire. Oui. Parce que c'est impossible. Connaissant le train de vie que tu vivais. Voilà, c'est impossible. Souvent, quand on dit dans mon 1000 francs, quand on dit non, je n'ai pas, ils disent que je suis devenu méchant. Or, dans la réalité, même, il n'est pas. Oui. Souvent, il marche une distance. Il pense qu'il veut s'entraîner, faire un peu de sport. Mais c'est parce que mais il n'est pas le transport. Oui. Mais je ne sais pas pourquoi, mais il me plaît dans ce genre de choses. Parce que l'orgueil que j'avais avant, je n'ai plus ça. Avant, je ne pouvais pas travailler 8 heures, 6 heures, 7 heures pour une somme de 3000 francs. C'était impossible. Oui. Je ne pouvais pas venir d'un coup où on va me faire balayer et puis en plus, on ne m'y prend pas. Oui. Mais maintenant, ça ne me dit rien. Je suis venu, si tu m'as pris, je travaille. Si tu m'as pas pris, je rentre chez moi, je dors. Oui. Si je n'ai pas mangé, ce n'est pas grave. Amen. Amen. Et quel est le conseil qu'on peut donner si les gens, maintenant, parce que vous avez possible, les Européens, les Américains, ainsi de suite, ceux qui ont de l'argent. Si quelqu'un sur Internet et qui nous écoute maintenant et qui sont des cibles faciles, qu'est-ce que tu peux leur dire? Pour ceux qui sont sur Internet, qui recherchent un peu de l'amour, un peu de n'importe quoi. Oui. D'abord, sur Internet, je dirais les 95%. Oui. Sinon, les 100%, c'est du faux. Oui. Parce que tout part de quelque chose qui est vrai. Il peut y avoir une personne qui a trouvé l'amour réellement sur Internet. Oui. Mais ça, c'est seulement une exception. Oui. Tout ce qui suit après, c'est du faux. Donc, je pense que ce n'est pas un moyen où on peut trouver l'amour, où on peut vraiment faire son commerce. Oui. Parce que même dans le vrai, nous, ce qu'on faisait, on tirait notre affaire du vrai. Oui. Pour que ça soit encore plus attrayant, on te montre une partie du vrai, mais tout en étant faux. Oui. Pour que ça soit vrai, il faut quelque chose de bon, quelque chose d'un peu vrai. Mais dans le fond, c'est faux. Oui. Donc, je conseille à ces personnes-là qui cherchent l'amour, qui cherchent un peu de n'importe quoi, de s'en détourner, de vraiment s'en détourner de toutes ces choses-là. Et donc, ceux qui sont sur Internet, comment on fait pour reconnaître que le correspondant avec qui sont de causer de l'autre côté est un faux, par exemple? Il n'a pas de méthode distincte pour identifier. Oui. Parce que plus le temps passe, plus les méthodes pour arnaquer évoluent. Oui. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait des vidéos où on fait bouger la personne. Mm. Ça, tu ne peux pas dire que c'est vrai ou c'est faux. Oui. Tu ne peux pas vraiment être certain que ça, c'est une fausse vidéo ou ça, c'est une vraie vidéo. Oui, parce que ça, tu n'entends rien. Voilà. Mm-hmm. Voilà. Et plus les choses avancent, plus le faux devient encore plus vrai. Oui. Difficile même d'identifier. Mm. Difficile de dire que ça c'est du faux, ça c'est du vrai. Sur Internet, il y a un peu de tout. Voilà. Dans cette ville-là, vous connaissant entre vous les hackers, ici donc à Abidjan par exemple, est-ce que tes anciens amis qui sont dans ce domaine-là, est-ce qu'ils connaissent maintenant ta nouvelle vie? Oui, ils connaissent. Et qu'est-ce qu'ils en disent? Ils connaissent, mais il y a d'autres qui disent que c'est parce que ça ne va plus. Donc ça t'a dépassé, tu n'as plus de voilà. Oui. Voilà. Oui. Il y a d'autres qui. Mais il y a d'autres encore. La plupart ne savent pas tout parce qu'il est vraiment coupé. Les liens. Il a vraiment coupé les liens. Parce qu'au début, quand il vient, quand on me demande telle somme, quand il dit n'est pas, on dit je suis méchant. Oui. Il a changé, il est devenu autre chose. Donc eux-mêmes, ils évitaient la causerie. Oui. Donc il a préféré rester dans mon coin. Avec la parole. En tout cas, tu as quelque chose à dire pour tenir. Mais en tout cas, moi, je voulais sincèrement rendre grâce au Seigneur pour vous. Amen. Il a vraiment, vraiment, vraiment fait de grandes choses dans vos vies. Amen. C'est ça les vrais miracles. Amen. Amen. C'est pas ce qu'on voit. Amen. Les gens tombent. Voici les miracles. Transformation de l'être. Ça, c'est impossible à un être humain. De pouvoir ça. C'est le Seigneur lui seul qui peut faire ça. Amen. C'est-à-dire qu'on écoute pour deux vies. Des vies. C'est ça, c'est. Vous voteriez dans la boue avant, mais aujourd'hui, les avez vous êtes vinceront. Amen. Donc, vraiment, j'ai les larmes aux yeux, mais au cœur. Dans le cœur, exact. franchement, pour ça, vraiment que le Seigneur continue de vous soutenir. Amen. Et qu'il vous mène à bon port. Amen. Voilà. Avant qu'on se retrouve tous dans le royaume de notre Père, ce grand jour. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen. Bonne soirée. Amen. Bonsoir.